Tu lui dis, ma biche, pum, pum, pum, mais c'est pas possible, fantôme, parce qu'on pense à lui, Fitness. Bah ça tombe bien, l'émission elle est sur Jim Carrey. Allez, générique. Elle rigolait pas trop, bande de cons. Le pic, c'est ma carrière. Je vous ai compris. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Bien que ça, c'est illégal ce que je fais. C'est illégal, oui. C'est illégal. Je vais le faire ici, mon fantôme. Vous êtes une pute. Tu veux me faire prout ? Qu'est-ce que c'est ? Eh, mais c'est les minables ! Je l'ai attrapé, j'ai mis deux baffes dans la gueule, il l'a pété. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez une crise d'urticaire ? La question est la suivante, comment vous portez-vous ? Laissez des commentaires, hein, bande de salopes ! Vous êtes dégueulasse. Bonjour si vous écoutez le jour, bonsoir si vous écoutez le soir, ou bon allez vous faire foutre si vous écoutez pas, et bienvenue dans l'entrée des artistes. Je suis Julien, le seul qui a eu assez de couilles pour parler en premier dans le pilote de ce podcast. Somme toute incroyable, je suis accompagné de mes deux fidèles, enfin fidèles, pas comme le chien lassé évidemment, il y en a un quand même qui a trompé sa meuf 32 fois, acolyte également et également co-présentateur en la personne extraordinaire de Kylian et de Lucas. Donc, salut. J'ai repris mon souffle. Alors l'entrée des artistes, qu'est-ce que c'est? Alors si j'en suis le texte que j'ai marqué pour éviter de bafouiller, c'est un podcast de Gaudriol, de Bang Kopeng et de cinéma traitant de trois films d'un genre, d'un acteur, d'un réalisateur ou bien d'ample de table, évidemment. On a choisi un film chacun, on n'a pas dit aux autres lesquels c'était, on l'a maté, on va en parler afin de déterminer qui c'est le meilleur. Et je vous sentais déjà dire, bon mais Julien, mais en plus d'avoir un talent d'imitation phénoménal, vous allez bien niquer au moins de décider qui c'est le meilleur. Parce que tout le monde va choisir son propre film. Et c'est là que je vous surprends. Parce que comme chaque semaine, bon voilà, c'est peut-être pas la semaine là, parce que évidemment c'est un pilote et du coup il n'y a pas eu de semaine avant. Et comme chaque semaine prochaine, bon, ça n'a aucun sens cette phrase, j'avoue, je m'y un peu, mais bon, bref. On a un invité en la personne de Ryan. Bonsoir Ryan. Bonsoir. Je termine ma bière. Évidemment, tu prenez votre bière, c'est plein. Et en la personne de Ryan qui déterminera qui c'est le meilleur, évidemment, le film. Bon, bah, je pense que les règles sont fixées, on va pouvoir commencer. Ryan, est-ce que c'est nécessaire de vous présenter? Bah écoute. Parce que vous êtes totalement inconnu, n'oubliez pas. Bah vas-y, présente-toi. Non, oui, vous avez 5 secondes. 5 secondes que j'ai compté au doigt. 5. Je me 4. C'est tout. J'ai rien à dire 3, d'autre. 3. T'as fait mourir sur le beat, non? Et oui, c'est vrai. C'est la chose dont. Allez, on passe en mode hardisson. Pourquoi est-ce que vous devriez pas vous aussi vous serrer la ceinture? D'abord parce que je suis Thierry Ardisson. Ça veut dire que quand je vais chez Hermès acheter un porte-carte, je le paye 300 euros alors qu'en fait il y a pour 40 euros de veau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on paye la marque, on paye le savoir-faire, on paye l'image. Très bien. Non mais vous, je te dis tu, mais depuis combien de temps tu t'es fait évidemment dégueuler sur la tub? Attends, je crois que c'était... Attends, j'étais en première je crois, un truc genre. Je crame une 15, je m'en bats les couilles, c'est de la télé. C'était en 2015 T'étais en pleine recherche, t'étais en pleine reconstruction, 2016, 2017. C'est les heures sombres. Et on a évidemment un deuxième invité qui s'est rajouté parce qu'en fait on enregistre chez lui. C'est Antoine, bonjour Antoine. Et salut. Il ne parlera plus jusqu'à la fin du podcast. Bon, alors on va déterminer qui c'est qui commence. Est-ce que t'es content déjà d'être là? Bah écoute, je suis content, surtout que c'était assez inattendu, putain, je vais jamais réussir à parler. Ah oui, évidemment. Est-ce que c'était aussi inattendu que le voyage de Hobbit? Alors, non. Putain, voilà. N'oubliez pas que c'est un podcast de cinéma, on adore la ref. Game of Thrones. C'est pas un film du tout. Oui, mais est-ce que les séries, finalement, ne seraient pas comme des films? Je lance le débat. Le débat lancé, on va y répondre... Allez, jamais. Dans les commentaires parce que ouais, débattez dans les commentaires. Laissez des coms. Si vous laissez un j'aime, je l'abo. Ouais, un like sur la vidéo, s'il vous plaît. D'ailleurs, faut qu'on fasse une page Twitter ou quoi, genre, pour les interactions. Moi, j'ai fait une page YouTube. Sérieux? Ouais, je suis déjà fait ça. Mais du coup, faut leur dire de mettre la cloche. Mettez la cloche, et évidemment. Abonnez-vous. Je vais m'abonner, c'est quoi? Comme ça, tu vas pouvoir le donner en plus. C'est l'entrée des artistes. Si tu le trouves, c'est un miracle. Hein. Parce que même moi, quand je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Donc, parce que je pense qu'il faut mettre une vidéo pour être référencé dans les chaînes. Pas du tout, t'as 27 abonnés, 8 vidéos. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ah, bah, y a le logo est moche. Hein. Attention. Non, mais il est pas référencé. Il faudrait qu'on mette une vidéo. J'aurais dû mettre moi qui fais du floss. Non, mais. Donc, du coup, on va choisir qui c'est le meilleur à partir de maintenant. On fait la roue magique. Qui commence de... Ouais, qui commence. C'est meilleur. Évidemment, trompe-toi dans le nom. Trompe-toi dans le nom. C'est la roue magique. Donc on est d'accord que vous jugez celui qui se défend le mieux. Okay, non, en fait, pas le meilleur film. Ou votre film préféré. C'est ouais, vous choisissez. Ça peut pas être votre film préféré. Il y a quelqu'un qui va devoir faire deviner un film, c'est ça? Non. On a chacun choisi un film. On s'est briefé. On a chacun choisi un film. On sait pas quel film l'autre a choisi. Le but est de le défendre le mieux possible. Et en gros, ouais, ça va passer par plusieurs. Et à la fin, il y a un gagnant. Il y a un gagnant, évidemment, un perdant. Et le gagnant choisit donc le sujet du prochain podcast. Et voilà. Je pense que le perdant fera l'intro la prochaine fois. Ok, d'accord. Putain, je trouve que c'est une excellente idée. Moi j'avais pensé l'idée de la bite sur Insta. Ouais, mais on avait dit que pour les soucis de mégapixels. Mais mec, il a pas fait ça, Carlito, ou un truc du genre. Allez, on va parler. On dit pas les noms, on dit pas les noms des bars, on attend qu'il nous contacte. On bipera. Est-ce qu'on est pas déjà. On s'est pas déjà signalé dès le début. On est déjà les McFly et Carlito, vu qu'on est 4. Oui, quoi. Vous êtes prêts à la roue magique, hein? La roue magique. C'est la roue magique! On est trois prénoms. Je veux juste penser. C'est contre le radiateur avant toi. Stylé, c'est moi qui commence. C'est okay. Lucas qui commence. Bravo. Ah, allez. Bravo Lucas, on applaudit. Bravo. Ouais, ça dure bien. Il est bien deviner là. Allez, fais nous deviner. Donc le... Je suis sorti la même année qu'Alien le Retour. Ok, j'en ai aucune idée. Un an après Retour vers le futur. Ok. Et okay. Ça aura un lien avec mon film. 89 Retour vers le futur. Non. Bien... Et un an avant Full Metal Jacket. Attends, dans Stranger Things, ils regardent Retour vers le futur. Donc Stranger Things, ouais, passe en 85. Tiens. Voilà. Bah, c'est bon, tu l'as enculé. C'est vraiment. Tu es... De quoi? C'est quoi que j'ai? Bah, c'est Retour vers le futur. Ah, oui, c'est 85. Ouais. Ouais. Et alors, mon film est sorti un an après. Bah ouais, je connais tous les films qui sont pas du 86. Tous les films de Jim Carrey en 86, on connaît. Surtout qu'ils sont pas crédités, on le rappelle. Ah, si, celui-là, il s'est Mais comment ça, t'en as choisi combien de films? Bah, j'en ai choisi qu'un. Et pourquoi celui-là est crédité en fait? Bah, Jim Carrey est crédité dedans. Ah, mais tu as dit qu'il était pas crédité. Non, mais ça c'était au début. En soi, il joue un film. Mais deuxième fact, il est crédité, mais il n'a aucune incidence sur le scénario. C'est Batman Forever? Non. Non. Mec, il a vraiment aucune incidence. C'est The Mask. Non. C'est réalisé par le même réal que le parrain. Il joue dans un Coppola, Jim Carrey. Ouais. Sérieux? Ouais. C'est pour ça que j'ai pris. Je suis le même scénario que Camille Redouble. Oula. J'ai bossé mon truc. Ouais, tu l'as bossé de ouf. Ouais. Okay. Et je contiens. Je crois qu'il a fait des fiches. Hein. Et je contiens. Il a fait des fiches ou il a fait. Bah, et je contiens. Fait, ouais. Et je contiens un acteur oscarisé. Je sais pas si je vous le dis de suite ou pas. Dracula. Non. Mais je l'ai vu en plus sur Wikipédia, putain de merde, c'est un nom de merde en plus. Genre. Ah, le mariage de Suzy Sue, un truc comme ça, genre. Putain, de la mémoire, aucune culture. Putain, mais alors. Peggy Sue s'est remariée, voilà, c'est marié, pardon. J'ai aucune idée de ce film. Hein. Je ne sais pas. Bah, je vais vous raconter. Bah, quelqu'un l'a vu ici ou pas? Bah, personne, je pense. Non. À part lui, toi, tu l'as vu? Ouais, bah, du coup. Non, il a juste vu ça, il a fait c'est trop bien. Il a regardé les trivia, il a fait une pince pas mal. S'arrête là. Non, il est vraiment bien. Oh putain, lourd. Lourd, mec. Non. Donc ça raconte, c'est l'histoire d'une mère et sa fille qui vont au tout début à une fête d'anciens élèves, comme 80% des films c'est original, hein. Américains. Ouais. Et la mère vient de divorcer avec Nicolas Cage. D'où l'acteur oscarisé. Et là, Jim Carrey, il danse et il fait le lourd. Ouais, voilà, il fait Jim Carrey, quoi. Non, même pas. Non, en vrai, faudrait que tu vois sa tête. Parce qu'il fait vraiment jeune. Et vraiment con. Bon, 86, il paraît pas vieux, hein. Ouais. Il a 13 ans. Je sais pas, il est de moi, je sais pas. Il est enterré. Je sais pas. Pour moi, il a 55 ans cette année, Jim Carrey. Et donc cette mère, cette mère, elle est désignée en gros reine de la soirée. Et là, tout à coup, elle s'évanouit, en gros. Et elle se réveille et elle est dans le passé. Déjà. Quoi? Et où Peggy Sue là? Il y a un mariage dans l'histoire? Bah Peggy Sue, c'est la mère en fait. Ah, okay. Il a 24 ans à cette époque-là. Eh ben. Vu qu'il est né en 62. Il avait toute la vie devant lui. Hein. Il a quel âge? 24 ans. Ok. Et donc Peggy Sue se réveille et elle est dans le passé, en gros. Et quand elle était du coup jeune, les fiches nulles. Ah, pour l'instant, tu lis que tes fiches là. Quand bah, j'ai mis gros des points parce qu'en fait, il y a des trucs quoi. Ouais, mais parce que. Mais tu comprendras. Donc quand elle était jeune, et donc elle revoit ses anciens amis, sa famille, et sa famille va avoir une importance après. Ouais. La famille Peggy Sue ou Jim Carrey? La famille de Peggy. Mais Jim Carrey, il danse et il fait lourd à chacun de ses passages. Ah mais il est plusieurs fois dans le film quand même. Oui, il est plusieurs fois. Ouais. Et en fait, c'est le meilleur pote de Nicolas Cage. Ok. Et j'ai compté, une scène sur deux, la coke. Tu le vois à côté, et il s'appelle Walter, et en gros, tu le vois à côté, et il fait une tête de con. Comme Jim Carrey. Ouais, c'est Jim Carrey quoi. Ouais. Il passait là en fait. Ouais, mais c'est marrant, il était tout jeune et il savait déjà ce qu'il allait faire. Du coup, c'était plutôt cool. Mais est-ce que c'était à l'époque où genre il avait déjà fait le chèque d'un million de dollars, je sais pas quoi là. Eh bah justement, putain, tu viens de me niquer une anecdote. Bah, yeah, bah yes. C'était 10 millions de dollars et va te faire enculer. J'adore le cinéma. J'adore le cinéma. Ouais, voilà. C'était pendant cette période galère, genre quand il a quitté sa famille. À 19 ans, voilà, yes. Et donc, elle retourne au lycée, elle fait un peu la maline, Peggy Sue. En dépression. Ouais. Et là, elle retombe amoureuse de Nicolas Cage. Ah ouais, parce que je l'ai pas dit, parce que ils étaient divorcés. C'est de la science-fiction. Parce que c'est presque ça. Parce que en gros, Nicolas Cage avait trompé en gros. Voilà, c'est ça. Est-ce le qu'il truc. En fait des tonnes dans le film Nicolas Cage? Il était jeune et il savait déjà ce qu'il allait faire plus tard. Parce qu'il danse, il fait le gros lourd. Ouais, mais en vrai, il est pas mal beau gosse. Il s'appelle Nicolas Cage. Ouais. Avec sa calvasse. Non, bah non, mais il est tout jeune. Il avait 22 ans, j'ai regardé. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu commençais à l'avoir à calvasse pour. Il avait 22 ans, il en parlait 35. Il avait déjà plus ça. Dans Dumb and Dumber, il avait pas. Hein. Oui, c'est juste là. Et il joue pas de voilà. Tout ça, Nicolas Cage. Ah non, mais je croyais qu'on parlait de Jim Carrey. Attends, j'ai perdu. Ouais. Allez, c'est parti. Non, mais je crois qu'il joue le chien, le van, dans Dumb and Dumber. Il prend Nicolas Cage, il joue le masque. J'aime bien dans Eternal Sunshine. Le film de merde. Putain, tu viens de me niquer une anecdote parce que. Allez, écoutez. Bon, c'est pas parce que ça ressemble vachement et il s'est inspiré Gondry de ça. Bon, bref, elle retombe amoureuse de Nicolas Cage, mais elle rebaise avec un brin ténébreux. Et pourquoi elle rebaise avec lui? Enfin, pourquoi elle baise tout court avec lui? Parce que elle connaît son futur et qu'il est connu. Et c'est un putain d'écrivain. Et donc du coup, elle baise avec un brin ténébreux, ce qui n'aura aucun rapport sur le scénario. Mais il y a une scène de cul. Mais c'est Coppola qui a fait ça? Ouais. Genre vraiment? Attends. Et entre-temps, elle revoit un scientifique. Voilà pourquoi j'ai fait des fiches. Parce qu'il y a 14 000 personnages. Mais on comprend rien du coup. Et entre-temps, elle revoit un scientifique. C'est le cliché du scientifique à 17 ans, en gros. Et pour lui dire, en gros, je viens du futur, il faut qu'on trouve une solution. Mais c'était un Terminator 2, ça, j'ai vu, ça. J'ai vu. Parce qu'au début, je croyais que je l'avais pas vu. C'est le 1 aussi, il marche. Terminator 4 aussi. Et donc, après le scientifique, il pourra jamais. Enfin, il peut pas l'aider, en gros. Elle voit sa famille, et c'est sa famille et ses grands-parents qui vont la ramener dans le futur. Parce qu'elle participe. Attends. Parce qu'elle participe à une cérémonie avec des francs-maçons qui doivent la ramener dans le futur. Non, mais j'ai compris pourquoi Jim Carrey est tombé en dépression. Il a lu le scénario, il a fait oula. Et juste avant, dans la période où elle baisait, elle voyait plusieurs personnes, Jim Carrey dansait, faisait le lourd. Ouais. Et t'as chopé le nom du scénariste ou pas? Genre, Ah non, j'ai pas. Mais Coppola, il a fait pour combien? Voilà, c'est ça. Je pense que c'était au début de sa carrière. Ouais, il devait payer. Mais en vrai, ça fait quand même 400 000 entrées en France. 400 000? Waouh, c'est déjà plus que le patron d'Angleterre. Bah, 86, ça va. On était d'ailleurs, tu sais que sa fille était que sa 100 millions sur Terre 86. Sa fille joue. Bah, dans tous ses films, Coppola. Et donc, elle participe à cette cérémonie avec des francs-maçons. Tout le monde croit qu'elle repart. C'est pas la fin là encore. Non, bah non, ah non, ah non, ah non, ah non, non, non, elle se finit jamais. elle participe à cette cérémonie avec des francs-maçons. Tous les francs-maçons croient qu'elle est repartie, enfin qu'elle est repartie dans le futur. Mais en fait, pas du tout, puisque c'est Nicolas Cage qui est revenu, qui l'a enlevé en gros pendant la cérémonie. Et là, à 22 ans, il la demande en mariage. C'est quoi au final? Je suis content de pas avoir vu mon film. Hein. Ça me laisse un peu bah, le temps. T'as vu Domain Number, toi, quand même. Hein. Et entre temps. T'as le temps de le mater, là, pendant qu'il fait ça. Allez, viens, vous faire enculer. Ah ouais, parenthèse, en fait, on dit que entre temps, Nicolas Cage est fan. J'adore ce film. Entre temps, Nicolas Cage est fan de chansons. Enfin, il veut chanter de ouf. Et, parce que c'est juste son rêve. C'est notre gars. Et Jim Carrey danse à côté à chaque fois qu'il et joue. Parce qu'il fait un gros. Il fait lourd. Il fait un peu de lourd. Il fait un peu lourd. Bah c'est 3,2 ouais. Sur le ciné quand même. Hein, hein 3,2 sur le ciné. Bah c'est pas mal hein. C'est pas mal. J'ai kiffé, j'ai trouvé ça génial. Bah, et en vrai, sans mentir, sans mentir, t'as vraiment kiffé dans ouais, le film. Ouais, non, mais je trouvais ça. C'était pas kiffant, mais je trouvais ça ultra intéressant de voir Jim Carrey à 24 ans savoir ce qu'il allait faire dans le cinéma. Parce que c'est vraiment. Bah après, c'est une question qui danse. Non, mais ouais, mais le rôle mais justement, il m'attend quoi. Mais après, mais moi je trouve qu'il s'est pas grave enfermé dans. Je trouve qu'il s'est pas grave enfermé dans un rôle. Ah non, pas du tout. Bah au contraire, en fait. Non. Sachant que là, il était pas dans les rôles de base. Bah si, il s'en bah ouais, mais il était dans toutes les scènes et je te promets qu'il se démarquait, je te promets. Ah ouais. Oui, mais comment dire, je te promets. Non, mais il s'est enfermé dans le délire de je fais le foufou par contre, du carré au fil des années. Ouais. Pas dans un rôle précis, mais dans le truc du. J'ai failli prendre la chambre 23, c'était un truc un peu bizarre. C'est un truc un peu bizarre. Alors, tu connais ta mère? Non, j'ai pas vu. C'est genre Jim Carrey qui est obsédé par un roman, à ce que j'ai lu. Et en fait, c'est grave influencé sur sa vie. Attends, j'ai une autre anecdote sur Jim Carrey Shining après. C'est qui ce gars? La chambre 23? Non, Jim Carrey, je connais pas en fait. Est-ce que je te casse son anecdote maintenant? Il a joué le rôle de Jack Nicholson en fait. Non, non, même pas. Non. Et donc attends. Donc après là, donc Nicolas Cage et la chanson. Après là, Nicolas Cage fait l'amour avec Peggy Sue. Mais c'est toujours pas fini, bordel. Et là, elle revient dans le présent parce que genre en gros la clé c'était l'amour. C'est ça que j'aime bien dans le film. Allez, parce que t'es un grand. Parce qu'il a trompé. Et là, on voit que rien n'a changé dans le présent. Et en fait, cette parenthèse du passé n'a servi à rien. Et c'est juste dans le présent, dans le temps présent, Nicolas Cage, pendant qu'elle s'était évanouie, il s'est dit putain, et tout, c'est avec toi que je veux être. Elle va vous faire foutre. C'est avec toi que je veux être, en gros. Et là, il se remet en couple avec elle. Et là, à la fin, scène de fin, grosso merdo, il y a Jim Carrey qui arrive et qui dépose les fleurs. Et dans son sur le lit d'hôpital de Peggy Sue. Tu fais le lourd après ou. Non, il fait pas lourd, il repart et tout, parce que là c'est la scène d'amour un peu à la fin. Ok, ça. Ok. Bah écoute, Julien, est-ce que ce film te donne envie de. Bah j'ai rien compris, donc non, pas trop. En vrai, est-ce que t'aimes bien Nicolas Cage en fait? Parce que à la limite. Moi j'adore Nicolas Cage, pardon. Donc alors après, moi mon film c'est Ghost Rider du coup. j'ai cru reconnaître Jim Carrey dans le fond d'un moment, donc je me suis dit que j'allais le prendre. En fait, il passait hier soir sur M6 quoi. Ah, vous avez pensé quoi un peu? Ça vous donne envie de le regarder du coup? Absolument pas. Bah ouais, ça veut dire que c'est l'air de me chier. Bah, alors attends, sur principe. Vous êtes sérieux? Sur principe. Et ça a pas l'air bien ou. Le casting a l'air nul à chier, somme d'une carrée. Mais surtout que. Attends, mais Kathleen Turner, les gars! Nicolas Cage. Kathleen Turner, les gars! C'est vieux, ça joue plus, mais c'est stylé! Bah c'est mort, je crois en plus, non? Oui, c'est mort, c'est mort! Une raison de ça joue plus. Mais non, mais moi je trouve ça bien! Non, le casting en vrai, non! Ouais, non, je suis désolé. Ouais, bah, Nicolas Cage, ouais, bon, bah, il fait ce qu'il peut, quoi. Après, il y a une promesse tenue, hein. Peggy Sue, elle s'en est fait marier, hein, comme dit le film. Jusque-là, pas de trahison. On s'est fait un peu chier, je pense. Hein. 1h44, on va s'emmerder. Hein. Non, je te promets que non. C'est vraiment trop bien, les couleurs sont bien faites, c'est ultra bien réalisé. T'avais pris quoi avant d'avoir regardé? Ouais, je pense à un bon buvard, mon pote. Il a croqué dans une cuillère en bas, bah, après le quotidien. Non, je trouve ça génial, c'est vraiment bien construit, c'est sûr, le scénario il fait pas envie de ouf, mais c'est bien construit. Bah... Après, tu le racontes bien, donc il y a des chances qu'on peut s'accrocher quoi. Mais non, mais c'est vraiment super bien construit, c'est super bien réalisé. Il a fait des attends, fiches, non, mais attends, moi j'ai une anecdote, il a dit non, mais moi il faut vraiment que je fasse des fiches parce que pour mon résumé, il faut vraiment que ce soit écrit, pour que ce soit bien raconté. Que ce soit clair et tout, mais forcément, il y a 8000 épisodes, il y a 8000 personnages. Ah, c'est une série du coup. Ouais, c'est quoi? Il y a la saison 2 sur Netflix. J'ai vu Netflix, moi. Vous comprenez pas, c'est hyper complexe quoi. Il y a plus de chill que Netflix. On nous interrompt de suite parce qu'on n'a pas fait lire à Ryan la page du livre. Bah oui. Ouais, bah après, c'est pas obligé de faire dans le même sens. Bah on va le faire maintenant. Allez, est-ce que tu l'as annoncé Tiens, lis-moi ça. Non, mais c'est une rubrique à part. D'accord, ok. Tu lis une page d'un livre de cul. Voilà. On y va. Et en fait, quand la lecture est terminée, on se sent forcément un petit peu plus profond, plus intelligent et on dort mieux. Donc c'est pour ça qu'on continue la lecture ce soir dans Voyage au bout de la nuit. C'est 50 nuances de. Tu peux nous dire l'auteur, c'est important d'avoir nos sources. Ça se dit E.L. James. Pendant que ça trouve une énorme guinze à côté de moi. Visiblement, le buvard lui a donné envie. Pourquoi bah, du coup, je. En tout cas, il nous dit plus. Je commence. Parce ouais, que tu peux commencer. Mec, c'est assez embarrassant. Ah. Je te présente comment ? Papa, voici l'homme qui m'a défloré et qui veut entamer une relation sadomaso avec moi. J'espère que tu cours vite. Mec, je sais pas. Il en reste encore un peu. Ouais. Il y a encore un petit paragraphe, allez, on t'écoute. L'ascenseur arrive, nous sommes seuls. Soudain, l'ambiance se charge d'électricité. Je respire plus vite, mon cœur s'emballe. Il se tourne légèrement vers moi, ses yeux ont viré à l'ardoise. Je me mords la lèvre. Oh, et puis merde pour la paperasse. Il me pousse contre le mur, m'agrippe les deux mains. Et le clou au-dessus de ma tête tout en m'immobilisant. Arrête, j'ai craché sur ton téléphone. Allez. Avec ses deux hanches. De sa main libre, il m'attrape par les cheveux et tire dessus pour me renverser la tête en arrière. Il écrase ses lèvres sur les miennes, c'est presque douloureux, je gémis livrant passage à sa langue qui en profite pour explorer ma bouche. Lesquelles des lèvres ? Je n'ai jamais été embarrassé comme ça. Embrassé comme ça. Je continue ou je n'ai pas ton téléphone ? Continue, ça commence à me plaire. Putain, le prochain est super long, mec. Ouais, mais arrête à la moitié, quoi. T'arrêtes pas. Y'a qu'à le mot fibre, t'arrêtes, je pense. Tu veux pas que j'en trouve un moins long ? Putain, ouais, mec, violent, c'est vrai. Mec, c'est aussi long que son scénario, là. Que la mythe de Christian Grey. Putain, le sexe. Bon, donc vous allez me faire l'amour ce soir, Christian ? Merde, j'ai vraiment dit ça. Sa bouche s'entrouvre, mais il se ressaisit aussitôt. Non, Anastasia. Premièrement, je ne fais pas l'amour. Je baise brutalement. Deuxièmement, il y a vraiment des gens qui disent ça. C'est déjà ma rubrique préférée. D'accord. Ouais. Deuxièmement, j'ai vu le film. Hein, je t'avoue que. Ah ouais. Avec qui tu l'as vu? Bah, tu l'as vu avec un petit concombre dans une salle de cinéma. Deuxièmement, il a encore des papiers à signer. Et troisièmement, vous ne savez pas encore à quoi vous vous engagez. Quand vous l'apprendrez, vous risquez de fuir à toutes jambes. Venez, je vais vous montrer ma salle de jeu. Baiser brutalement. Merde alors. Qu'est-ce que c'est? Cochon. Parce qu'il y a un petit pas, ouais. Mais pourquoi veut-il me montrer sa salle de jeu? Putain, il y a un autre. Voilà. Vous voulez qu'on joue à votre Xbox? Il y a vraiment, vous voulez qu'on. Est-ce qu'on va arrêter là? Attends, c'est pas fini! Il part d'un grand rire. Non, Anastasia, ni avec ma Xbox, ni avec ma PlayStation. Venez. Ouais, avec sa bique! C'est un reggae, risquant. Attends, il y en a une, avec une seule phrase. Ne fais jamais confiance à un homme qui sait danser. Voilà. Ok, c'était le mot de la fin. Le mot de la fin. On apprécie le mot de la fin. Bah attends, j'ai regardé sur le net. Wow. Les scénaristes sont inconnus. Hein. Le web. Bah, les scénaristes, il a donné un faux nom, le gars. Mais non, mais moi je trouve ça intéressant. On n'a pas dit qu'on devait dire le meilleur film. Je trouve ça intéressant, mais forcément. Jim Carrey joue quelque chose de correct. Après, moi je trouve ça. Mais forcément, tu vas choisir Bruce Tout-Puissant, Dumb and Dumber, c'est ultra connu. Là, c'était pour essayer de faire une galère et il savait déjà ce qu'il allait jouer. Dis les deux films que t'as choisi, quoi. Super, pas tout en même temps. Moi je choisis Manon de Boone. Ta gueule. Ouais, mais j'ai hésité, mais bon, vu qu'il y avait le documentaire en soi, c'était un peu. Mais Man of the Moon, c'est trop bien, mais on en parlera plus tard. Ah, non, mais j'ai pas choisi, mais. Voilà, mais moi je trouve ça intéressant de savoir ce que ce mec. Mais on fait des jeunes, non, mais on fait découvrir des films. Mais attends, mais alors attends, moi j'ai peut-être une question pour toi. Ouais, vas-y. Ouais, peut-être une question, attendez, j'ai peut-être une question quand même. Et je te promets qu'on se fait pas chier, ça va vite. Ça va vite, c'est bien construit. On lève la main. Même s'il y a des trucs improbables, je te promets que c'est bien construit. C'est ultra bien construit et c'est fluide. Bah justement, on essaie de construire le podcast et que ce soit fluide, s'il te plaît. Waouh. Toi, ferme ta gueule, t'es suivant. On va voir si t'es bien construit. Donc alors, ouais, on verra qui est le suivant. Mais moi, j'ai quand même une question. Genre, est-ce que tu sais si c'est parmi les premiers films de Jim Carrey ou c'est son troisième. Troisième. Il a fait quoi avant? Il a fait deux autres films. il a fait déjà, il a joué la mort. Le joué la mort. Attends, je vais vous dire. 83 Copper Mountain. 83 All in Gate Taste. All in Good Taste. Yes, of course. 84 Cash, avec Cash, C-A-S-H. Wow. Et 85 Vampire Forever. 86 Peggy Sue s'est marié. Merci Wikipédia. Donc il y a approximativement 1, 2, 3, 4 films. Et c'est quand son premier succès? Son premier succès? Dumb and Dumber en 94. Non, c'est Aventura en 94. C'est Sonic le film. Mais Ouais, Ace Ventura en 94. Ouais, mais c'est avec Dumb and Dumber qu'il a encaissé le chèque. Non, c'est la même année, il a fait Ace Ventura, The Mask et Dumb and Dumber. Putain. Quel crack. Ah, et après, il a fait Batman Forever. Du coup, est-ce qu'on passe ça qui c'est la bonne réplique? Ah ouais, donc vous évincez mon film comme ça, quoi. Ah non, mais tu veux qu'on me pose des questions? Bah, c'était immonde, c'était immonde. Ouais, c'était mieux. En tout cas, merci, on le regardera pas. Franchement. Franchement, j'aime bien Coppola. Je veux pas m'avancer, hein, mais j'ai pas vu le film, mais j'ai pas vu mon film, donc pas m'avancer, mais peut-être que t'as perdu. Non, non, bah tu sais quoi, on va faire un film de merde, mais moi j'ai pas vu le film, donc ça se joue entre nous deux. Après, moi j'en ai un gratiné aussi qui pue la merde. Hein. Je fais mes répliques ou pas alors? Ouais, c'est d'acheter le même film, le tue, hein, je me fous en l'air. Hein. J'espère tellement. Mais quoi, t'as pas peur. Vas-y, vas-y, on fait mes répliques ou pas? Vas-y, on fait les répliques. Kikiki sont les snorkies. Kikiki, mais qui? Kikiki sont les snorkies. C'est super gentil. J'ai trois répliques, il y en a une qui est fausse. Non, quoi? C'est pas l'inverse? C'est pas normalement, t'en as deux fausses et une juste? Non, non, là j'ai une, deux justes et une fausse. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que ta jolie quéquette n'a pas envie de prendre le feu? Ok. Retire ton doigt que je pète. C'est 50 ans, ça. Ta machine à coudre, ta perceuse à percussion, ton gros engin. Quoi? Tu veux dire mon manche? C'est Nicolas Cage qui dit quoi? Tu veux dire mon manche, voilà. Moi, je... Ouais, allez, t'es ouais, je... toi. Ah, y a un bluff. c'est Nicolas Cage, je parce que c'est la bonne réplique. Ouais. Non, moi j'ai la deuxième. La deuxième, attends, répète les. Ouais, c'est personne. Retire ton doigt, je vais te péter. Est-ce que ta jouée quéquette n'a pas envie de prendre le feu? J'ai l'impression que c'est. En vrai, j'ai l'impression que c'est un truc de film de cul. Retire ton doigt que je pète. C'est un titre de film, ça. Ouais, obligé. Ta machine à coups. Je tiens à dire quand même qu'il y a quelqu'un qui danse et qui fait le gros lourd tout le film. Ouais, mais et la troisième, ta machine à coudre, ta perceuse à percussion, ton gros engin. Quoi? Ouais. Tu veux dire mon manche? Jim Carrey parle même dans le truc. Que Nicolas Cage. Jim Carrey parle dans le film quand même? Ou il fait ah juste oui, le il parle, oui, il fait le lourd, mais il parle. Fait... Non, il parle. Il parle, ok, donc il aurait pu dire retire ton doigt de mon cul, je vais péter quoi. C'est pas ça la phrase. Retire ton doigt que je pète. Hein. Ah. Bah, il y a un scénariste qui est. Alors, mais il y a un scénariste. Bah, en gros, je vais te dire. Je vais te dire, il y a 4 lourds en gros. Il y a en gros, vu que Nicolas Cage, son rêve c'est quand même de chanter, je te rappelle, il forme un groupe. Et en gros, il y a Nicolas Cage, Jim Carrey et 2 autres qui sont lourdos. Okay. Et retire ton doigt que je pète, c'est un des 2 autres lourdos. Ouais, est-ce qu'il joue le bluff ou est-ce qu'il joue pas le bluff là? Ah, moi je maintiens celle-là, ouais. celle-là c'est la fausse. Ouais. Ouais. Bah, eh bien vous faites enculer, donc cette ce soir c'est ma soirée. Donc ouais, c'était c'est trop. Je connais Retire ta langue, je vais péter, c'est un vrai titre de film. Ça. Ouais, je sais, je l'ai cherché tout à l'heure. Ça me saoule. Alors ça c'est de l'ordre du privé s'il vous plaît. Professionnel les gars, professionnel. Ok, si vous voulez donner une note au moins à ce film. Alors si je dans les spectateurs, je vais voir quelque chose. Donne une échelle. Ouais, bon, pas là parce qu'on n'a pas la place, mais. De. Je sais pas. Franchement, je pense que sans savoir que c'est américain, t'es genre. De Happy Birthday à. Ouais, Happy Birthday à Isantura, tu dois. Pour moi, c'est un téléfilm qui reprend Retour vers le futur, là, ce que tu m'as décrit. Ouais, c'est entre Camille Redouble et Retour vers le futur, c'est génial. Mais c'est quoi Camille Redouble? Mais c'est Camille Redouble, c'est le. C'est, mais c'est, en plus, c'est ultra récent, je crois, sorti en 2015-2016. Et c'est genre un mère. Sa, la mère et la fille. Je pense que Camille. Et la mère. Et la mère reprend le rôle de sa fille plus jeune, genre 30 ans avant, tu vois. Et donc, du coup, elle retourne au lycée, elle va repasser le bac, tout ça, genre. Ah ouais, je vois le point aussi. Ok. Je trouve ça génial. Si on devait une note, donne-nous une échelle. Ouais, donne-nous une échelle. Happy Birthday, vous avez pas aimé, vous avez détesté. Ah, Happy Birthday, j'ai vraiment pas aimé quand même. Le 2 est pire. Ouais, le 2 en plus. Ah, t'allais voir le 2 en plus. On l'a vu. On a vu les deux. Bah, Happy Birthday 2 en tant que 0 et en tant que 10, Eternal Sunshine. Oh le connard. Alors là, vous avez pas vu, mais vraiment Antoine a renversé de la bière absolument. Ah bah c'est très radiophonique tout ça. Avec non, mais non, on fait juste. Non, c'est juste des sons. Ouais, oh non. Ok, donc sur ça. Happy Birthday 2 en 0 et en 10, Eternal Sunshine. C'est pas toi qui as dit de pas renverser de bière 5, sur la table 5. Non. 5, 5 c'est pas en train de faire une tâche. Non. Je me suis bien défendu alors, ça veut dire quoi? Je me suis bien défendu, je pars de loin quand même. Franchement, je suis une merde, mais je devais donner un 3 moi. Mais t'es sérieux? Moi j'ai bien aimé. Moi je suis plus d'accord sur le 4. Ah, mais toi de base, il est bien, t'aimes bien Peter Z. Moi de base, Peter Z c'est 10. Donc ah, mais le 2, on a dit le 2 en 0. Ouais, non, le 2 par contre. Non, mais ouais, mais moi je donne 3 ou 4 parce que vraiment, j'ai compris à peu près le principe du film. Moi j'ai rien compris. Retour, j'ai rien c'est compris. Un retour vers le futur ouais, bah, bis quoi, mais derrière c'est. Et en moins bien, bien entendu. C'est un an avant ou un an après? Un an avant. C'est sorti un an après Retour vers le futur et un an avant Full Metal. T'as pas du Metal Jacket truc. Allez. Bah, vu le scénario, ils l'ont écrit en pas beaucoup. Donc, de temps, ouais, moi je donne un 3,5 parce que t'es mon pote. Sur combien? Sur 100 000. Ok, et toi, si tu devais te noter ton film, tu donnerais. Bah, moi en vrai, je me suis bien éclaté, vraiment. Ouais, moi je trouvais ça trop cool. Et pourtant, vous connaissez, je suis grave dur, franchement, et puis Burst Death 2, même pas le chiant. Tu bandes, tu connaissais, je bande. Hein. Franchement, je mets un petit 7,5. Ok. Franchement. Ok. Franchement. Non, mais c'est franc. Ah, non, c'est un... la vérité, c'est la vérité. Non, non, c'est un parfait, certes. Ouais, c'est une petite pépite du cinéma. Une petite pépite pour le chineur de film, quoi. La pépite, les gars. Bon, on dirait des nouvelles. Je vous donne mes anecdotes sur ou pas. Ah, oui, voilà. Là, ah. Vas-y, décris ta chronique. Celle qui trace, en tout cas. Ah, d'avance. Ah, ok, ok. Alors là, vu que j'ai galéré à trouver. On enchaîne avec une petite chronique. Ouais, voilà, c'était une petite chronique. Une petite virgule. Ouais, on va dire des anecdotes. Temps, une respiration. Une boys. Une... Allez. La lourdeur. Le champ lexical du vent. Écoute celle-là. Tu savais que Miley Cyrus, elle avait assuré son utérus pour 200 000 dollars? Ça va être encore sur Twitter, sur tes comptes Le Saviez-vous à la con, là? T'es fou, c'est trop bien les comptes Le Saviez-vous. On apprend plein de trucs, regarde par exemple, tu savais qu'on pense à une banane environ 6 fois par heure? Alors ouais, là nouveau problème, vu que Peggy Sue s'est mariée, niveau anecdote, c'est pas chaud, c'est chaud un peu. Du coup ça va être sur Jim Carrey globalement. Ouais. Et j'ai trouvé un lien, alors là franchement c'est une exclue mondiale. Ok. J'ai trouvé un lien entre Jim Carrey et Nicky Larson qui vient de sortir. Ok. Ok. La voix française de Jim Carrey... dans ses premiers films, donc Vincent Ropion. Ah, c'est pas Emmanuel Curtil déjà. Non, non. C'est une voix française dans Nicky Larson. J'ai cherché pendant ce temps. Philippe Lachaud ? Non, c'est un truc nul, c'est un journaliste TV qui passe 1 minute 30. Ah oui, je vois, ouais. Je me trouvais bien du film parce qu'il est excellent. Donc... Roger, aïe. J'ai aussi un lien entre Jim Carrey et Jack Nicholson. Alors j'ai dit Jack Nicholson, mais son frère et soeur, je crois, non? C'est non, j'ai dit Jack Nicholson pour faire stylé, mais c'est juste Shining quoi en gros. C'est juste que des scènes de Dumb and Dumber ont été tournées dans le Stanley Hotel. Donc okay. C'est l'hôtel qui a inspiré Stephen King pour écrire Shining. Et en gros, c'est la partie mytho de l'anecdote. Okay. Et en gros, Jim Carrey a eu peur quand il a dormi dans la chambre 300. Ouais, pire mytho. Non, non, si c'est vrai, en vrai, il a eu peur et il a demandé en pleine nuit à changer d'hôtel. Donc Jim Carrey et ouais. D'hôtel carrément. Il a eu peur dans une chambre, il a changé d'hôtel. Ouais, bah c'était pendant le tournage de Dumb and Dumber. Ah, écoute, Jim Carrey, il refuse rien, d'accord. Il était sous méga drogue, il a eu un peu. J'ai aussi le lien entre Jim Carrey et Johnny Depp, mais ça, celle-là, elle est connue. C'est qu'il a refusé le rôle de Johnny Depp pour Pirates des Caraïbes. Ouais. Pour jouer Bruce Tout-Puissant. Ouf, oh. Trade pour une autre. Il a sauvé le film. Trade moyen, je sais pas. Bah franchement je vois pas d'autre, enfin franchement j'aurais pas imaginé Jim Carrey à la place de Johnny Depp en... Ouais non, il a sauvé le film carrément. Ou il en aurait fait encore plus des caisses. Ouais, ouais mais tout ça. Sachant qu'en vrai Johnny Depp il gère bien ce genre de rôle alors que Jim Carrey il est trop dans l'excès. Je suis au moins vous avez entendu parler de moi. John Smith je sais pas quoi. qui donne son nom. John Smith je sais pas quoi. Attends, mais t'as pas écrit Peggy Sue, ouais, c'est marié. John Smith c'est dans Poco en classe ou c'est depuis. Non mais comment il dit, c'est quoi le prénom qu'il donne Jack Sparrow. Johnny Depp mais il s'est trompé, enfin c'est une version coupée quoi. Bon bref. J'ai aussi pensé à toi, parce que j'ai trouvé un lien entre Jim Carrey et Danny Boyle. Ok, je pensais dire Danny Boone. Non c'est juste parce que dans Peggy Sue, il y a 3 ou 4 références des Beatles et il y a une réécriture, comme dans Yesterday, de She Loves You, enfin d'une chanson des Beatles. Voilà, c'était Jude et là c'était She Loves You. Sauf qu'il change. Oh, non, pas dans Yesterday, c'est. C'est Eleanor. Non, c'est Eleanor Rigby aussi qui change toutes les paroles. Mais non, il va dans le truc, il retrouve les paroles avec. Non, les c'est Eleanor. Oui, voilà, c'est Eleanor Rigby ça. Ah ouais, c'est vrai. Qui, mais non, mais il réécrit Jude. Non mais il dit Etude, ouais, Etude. Moi je trouve que c'est quand même pas mal. J'ai bien aimé le mode. Et là dans Peggy Sue, en gros c'est sur She Loves You. Bah j'en ai. Voilà, c'est tout. Et la dernière, mais c'était sur ça, c'était en rapport avec Peggy Sue. Genre en gros, ses premiers films, enfin c'est l'histoire du chèque à 10 millions. Ouais. Genre en gros, il a quitté sa famille à 19 ans pour aller seul à Hollywood en gros. Et il a fait 11 ans de galère. Et c'est quoi, c'est le Mountain Hill? Ou en gros, ben, il allait au-dessus de... Anecdote moyenne. C'est non, mais il allait au-dessus de la montagne. En gros, il s'est dit, putain, je vais réussir et tout. Et c'est il a fait le chèque à 10 millions. Et en 94, il l'a encaissé avec Dumb and Dumber, en gros. C'est bien. Voilà. Voilà, pour partir de l'adresse, franchement. Bah ouais, franchement, anecdote que t'as pas entendu. Allez bien au cas en foutre. C'était la minute émotion du merci pour l'exclu. Est-ce que tu veux, moi, j'ai des petites questions sur Jim Carrey, là. J'ai de moi à mon genre. C'est de la blague, hein, c'est de la blague, attention, hein, on est sur la gaudriole, on est sur du jeu de mots. Est-ce que Jim Carrey a joué dans The Square? Oh, enculé. Est-ce qu'il a joué dans le film Circle? Il va tout se faire. Est-ce qu'il a joué dans Final Round? Parce que c'est dire rond. Ah oui, okay. Est-ce que, et attention, question piège, est-ce que Jim Rond est acteur? Il y a un mec sur Facebook, j'ai trouvé, il s'appelle Jim Rond. Est-ce qu'il est acteur? Ouais. Est-ce qu'il est acteur ou pas? Ouais. Bah absolument pas. Okay. Voilà, c'était la fin de la chronique, bravo. Merci. Non, c'était pas mal. Non, en vrai, c'était cool. J'ai bien aimé les anecdotes. Ouais. Ah putain. Oh. Alors, on avait dit non. Le micro. Est-ce qu'on choisit qui c'est qui continue? Ouais, qui c'est qui continue. Hein. Roue magique à toi. C'est la roue magique. Ah bah là on va tourner et c'est Kylian. Alors. Aucun truc. Ok, alors moi je vais vous faire deviner. Dumb and Dumber. Alors moi voilà, je vais vous faire deviner. Allez, tu vois. Sous forme de devinette, en mode genre vraiment c'est. Vous allez trouver la lettre, la phrase. On se fait chier. Non, c'est le bien. C'est. Oh non! Mon premier, alors écoutez-moi. Attends! La fin de tes devinettes fait un jeu de mots, genre dans mon premier. La devinette va donner, va donner le nom du film. J'ai un rébut, moi aussi. La devinette a un rébut. Non. Vas-y. Oh non. Alors, mon premier est un chanteur avec une coupe de merde en forme de lettre. Oh, c'est pas le mien. Non, vous avez pas? C'est M. Ouais, elle dire c'est M. Mon ah, second, c'est le masque, ok, c'est mon second est ce qui passe tous les 31 décembre. Le A. Non, ça c'est pas une. Manet. Non. Sergio Manet. Bah Man on the Moon quoi. Non. Donc non. Non. Okay. Mon troisième est tueur écrit par un dyslexique. Il va parler de Nicky Larson. Quoi, il est quoi? Menteur. Ah menteur. Ok. Nekfeu toi, t'es Nekfeu toi. Non. T'es Nekfeu toi. C'est donc voilà, il a trouvé mon film alors que mon tout c'était c'est ce que vous avez trouvé et ça se répète deux fois. Voilà, c'est tout. Si ça c'est pas d'hyper originalité. C'est donc menteur menteur le film. Est-ce que quelqu'un avait deviné? T'as pas vu? J'ai pas vu non plus, je vais te trash plus. Ok, je vais devoir faire un résumé pour. Ouais, bah ouais, tu nous fais un résumé. Ouais, c'est donc un résumé pour quelque chose que personne n'a vu. Personne okay. N'a vu là. La tristesse. Podcast de bah, est-ce que quelqu'un a vu Peggy se remarie là? Encore heureux, on l'a pas vu. Encore heureux. Et il y a que Lucas qui l'a vu finalement. Donc, menteur, j'ai menteur. Pris, et je tiens à dire que j'ai pris du plaisir à regarder ce film. Voilà, t'as bandé. J'ai mis du 7,5, 8. Bandeur. C'était génial. Entendu. Ok. Retire ton doigt que je pète, il a bandé. Alors, moi je vais vous expliquer ça. J'ai fait un résumé. Et menteur. Par rapport au film en fait. Ouais. Putain, t'aurais pu faire une chronique par rapport à ça. T'aurais pu mentir, genre. Ouais. Là, tu fais avant que j'ai menti, c'est Dumb and Dumber en fait. Le 2. Alors moi je vais vous faire vite fait un résumé de menteur menteur donc. T'as déjà... rien noté toi, t'as pas les petites fiches toi. C'est déjà les petites fiches, j'ai les petites fiches super longues. Enfin, il y a 6 mots quoi. Oh non, vous avez noté des 6 mots, montre lui tes 6 mots. Menteur menteur. Ouh là là. C'est radiophonique ça hein. Ouh là là. En gros moi je vais vous faire, de toute façon vous connaissez pas du tout le principe de menteur menteur. Bah je pense qu'il y a un menteur et il est doublement menteur peut-être. Voilà, waouh, alors putain. Est-ce qu'il y a du carré dans le film? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une coupe de merde qui ressemble à une lettre? Alors, en gros, en résumé, c'est Jim Carrey qui joue le rôle d'un père avocat qui s'appelle Fletcher Reed. jusque là tout le monde comprend, c'est bon. Il y a quand même une phrase et okay. Comment ça se faire chier. En gros, donc il adore son fils. Non, mais en gros, le but du. Enfin, vraiment, ouais. Dans ce film, il adore son fils. Vraiment, genre, c'est ça, la prunelle de ses yeux. Le truc, c'est qu'il a jamais de temps. Le film, il s'appelle pas Adore son fils, Adore son fils. Est-ce que ça sonne ma taille? Et en gros, donc il adore son fils. Il s'appelle Menteur. Hein. Il a son fils s'appelle comment d'ailleurs? Menteur. Ah, d'accord. Et le père? Son de famille, c'est Menteur. C'est bon? On a fini, Evan? Menteur. Finalement, comme quoi? Ça correspond au film, pardon. Est-ce que je t'ai dérangé pendant que tu lisais tes fiches? Ouais. Bah non, il allait tellement vite, c'était tellement fluide que je pouvais pas le déranger. Le scénario était tellement bien, on était tous attachés. On a tellement tous compris. On était captivés, on pouvait pas parler. Non, donc en gros, donc c'est Fletcher Reed qui est en gros un avocat de malade dans une grande firme. Et il est obligé de prendre un accent c'est-à-dire qu'ils sont tous pédant pour dire avocat. Alors qu'il est lui-même avocat, ouais. C'est le pire. Hein. Non, non, ta famille paye l'ISF en plus, donc ça va. Alors t'es en prison, j'ai oublié. Donc quoi, il est avocat? Non, il est. Avocat. Donc ouais, vas-y. Fletcher Reed. Et son fils. Et son fils. Quelle année mon menteur? Quelle année menteur 97. Eh ben, il avait quel âge? Ah attention, on faut se rappeler quel âge 62, il avait. Il est né en 62, ça fait 30. Il avait 24 ans 86. Tu m'as niqué pour 86, 80, ça fait 11 ans de plus, ça fait 35 ans. Putain, t'as dû le vérifiable. Invérifiable. Ouais, donc en gros, donc le résumé du film, c'est Jim Carrey qui joue le rôle d'un père qui s'appelle Fletcher Reed. Il est là, c'est dégueulasse par contre, il vient de passer. Je vous déteste. Il vient de lécher ma sueur. En gros, donc le résumé de Menteur Menteur, c'est que Jim Carrey, il s'appelle Fletcher Reed dans le film. Il est avocat d'une grande firme. Il est avocat, je t'avais baisé, putain de merde. C'est quoi, vas-y, passe. Ah non, bah tu finis maintenant. Comment vous voulez que je finisse? À partir du moment où je peux même pas commencer, bon enculé. T'en as trop dit maintenant. Oh là là. J'ai trop envie de savoir la suite. Oh non. Fletcher Reed. J'ai chaud, putain, j'ai chaud. Vous savez quoi, je vais lire en fait, parce que vous me cassez. Non, allez, bon, allez. Donc il joue le rôle d'un père, Fletcher Reed, en gros, qui adore son fils, mais qui n'a jamais de temps pour lui. Il est avocat et il trouve toujours plein d'excuses. Lucas, ferme ta gueule, je vais t'en coller une. Avocat. Ah, mais continue, bordel, tu vas pas t'arrêter à chaque fois. Fletcher Reed, avocat, 97, c'est bon. Menteur, il adore son fils. Et en gros, il trouve toujours plein d'excuses et plein de mensonges en fait pour s'excuser. C'est un menteur. S'excuser d'aller voir son fils quoi au final parce que à chaque fois. Attends. Mais c'était le début, il aime son fils. Pas donc ça. Oui, il aime son fils. Oui, il aime son fils, mais son travail lui prend trop de temps et du coup, à chaque fois, ben il est pas là à l'heure pour aller le chercher à l'école, il est pas à l'heure pour. Mais si, mais après, il est obligé de dire la vérité, non? Tente de l'aider. Ok. Sinon il va en enfer, ouais. Quoi de faire. Et là ça fait combien de minutes le film? Je crois que c'est l'intro ça. Ah ok. Pardon, vas-y, continue. C'est le menu déroulant comme Star Wars. Pardon. Moi tout le monde a fermé sa gueule parce que tout. S'il faut faire des fiches pour que tout le monde ferme sa gueule, je vais faire des fiches moi. Bah, lui il avait une fiche, alors, c'était impressionnant, on voulait écouter. Ouais, j'avoue que c'était assez. C'était un peu long après. Bah j'étais obligé de faire une fiche mec, c'était incompréhensible. T'es pas obligé de faire fermer ta gueule. Ah merci. Bah non mais c'est incompréhensible, mais en soi c'est bien construit, mais en soi, moi j'ai eu les personnages, c'est bien. Y'a Nicolas Cage dans ton film? Oh, j'espère. J'espère aussi. Déjà, on est pas sûr qu'il y a Jim Carrey pour l'instant. Pour l'instant, il est Fletcher Reed d'avocat. Et en gros, il trouve des excuses et des mensonges pour ses données auprès de son fils. Et bah, du coup, genre, lui et son ex-femme, ils sont grave en conflit à propos de ça parce que à chaque fois, elle est là, elle voit son fils chialer et tout parce que c'est une grosse merde. Et du coup, son père, il est jamais là, il trouve toujours des mensonges. Ouais, et en gros, le truc, c'est que. Il y a son beau-père, le beau-père de son fils, qui va les emmener vivre autre part, tu vois. Donc ça s'appelle comment, le beau-père de son fils? Je sais pas. Que je retienne bien. C'est quoi sa profession, mon père et beau-père? Avocat. Juriste. Les boulangers. Oh, donc son beau-père il veut les emmener vivre dans une ville où il va aller travailler et tout, et du coup bah en gros la dernière chance de Jim Carrey de voir son fils c'est à un moment aller le récupérer à la sortie de l'école et tout, sauf que bah il est pas là parce qu'il a encore trouvé des excuses tout ça et au final donc il se retrouve son fils à devant son gâteau d'anniversaire faire un vœu et son vœu c'est que son père ne puisse plus mentir pendant 24 heures, pendant une journée. Et donc le lendemain, Jim Carrey se retrouve donc avec une affaire sur les bras dans laquelle il a besoin de ouf de mentir parce que genre vraiment, sinon il peut pas gagner. Et du coup, il se retrouve devant donc cette affaire et il se rend compte petit à petit, au fur et à mesure, enfin il avance. Et, par exemple, il y a un SDF à un moment qui lui demande de l'argent. Il lui dit non, j'ai pas d'argent, va travailler, un truc comme ça. Tu vois, genre vraiment, il le vanne de ouf parce il que. Il devient de droite du coup. avocat. Avocat, on est de droite de base. Avec le clochard d'eau. Si c'était comme d'office. Si c'était clochard, c'est parce que t'as les doigts au fond du cul. Hein. Vas-y. Retirez que je pète. Et donc en gros, donc sa seule solution pour ça, c'est de mentir. Ouais, bien sûr. Bah vas-y, nique ma feuille, c'est pas grave. De mentir, mentir. C'est un téléphone. Et du coup, bah voilà, on sait tous que les avocats sont voués à mentir, machin. Et du coup, il se retrouve dans la merde et ça le mène dans des situations un peu rocambolesques et cocasses. Ok. Ça t'a jamais eu autant de vocabulaire. Et t'as perdu 150 points. Au niveau de son travail, il se retrouve dans une affaire qu'il ne peut pas refuser. Et pour la gagner, il lui faudra mentir. Donc il se retrouve dans la merde. Lire, là. Oui, exactement. Il se retrouve du coup dans la merde devant le tribunal. Il dit que de la merde. Il passe pour un con devant tout le monde, notamment devant le juge, qui va s'occuper donc de juger l'affaire. C'est le principe du juge. Hein. Juge. Il va donc passer sans le mensonge. Puis là, enfin en gros voilà, c'est il va essayer sans le mensonge. Il y a une morale, machin, mentir c'est pas bien. Et du coup après tout ça se passe. Il se passe plein de péripéties. À la fin, il prend tu sais les trucs avec les échelles pour monter dans les avions là. Tu vois, genre les trucs qui font des escaliers pour monter, ouais, pour monter dans les avions. Et ben ça, il prend ça, il conduit pour suivre le truc et pour passer à la fenêtre, voilà. Et du coup, là, il voit son fils et tout. Et attends. Au lieu de prendre une échelle, avant l'avion, qu'est-ce qui se passe? Il défend son affaire et il se retrouve dans la situation. Non, il défend son affaire. Il a pas eu le film, en fait. Il défend son affaire. À la fin, il a dit, il y a des péripéties. Il défend son affaire. Il reste une demi-heure, il fait chiant. Il défend son affaire, ouais, et il se retrouve dans un avion. Ça, j'ai pas la transition. En gros, il défend son affaire, mais le truc, c'est que vraiment, genre, au bout d'un moment, il va partir. Donc, son fils va partir avec sa mère et son beau-père. Et le truc, donc, c'est qu'il commence à partir. Et lui, il se retrouve à essayer de les rattraper pour la seule fois où il se rend compte qu'il peut dire la vérité, tout ça. Ah. Il essaie de les rattraper pour les retenir et les laisser là. Il est fort, Et du coup, donc, il avance. Finalement, c'est il se mange un truc. Du coup, l'avion est arrêté. Du coup, tout le monde descend. Du coup, il s'excuse devant sa femme. Du coup, voilà. Et du coup, elle quitte son ex-mari qui va partir travailler. Du coup, enfin, son ex-mari quitte son beau-père, quoi. Et qui va partir travailler autre part. Et à la fin, bah, pour son vœu de l'année d'après, il vote pour. Enfin, il vote. Il vote pour Marine Le Pen. il fait un vœu et le vœu c'est que ses parents se remettent ensemble et ils se remettent ensemble. Et ça c'est la fin du film. Ouf. Voilà. Donc alors attendez. Magistral hein. Attendez, il moi vote. Je vais quand même. Il vote, mais. Au niveau, non, il vote deux pas. Buts non, de Zizou, un but de fait petit, un vœu. Il fait un vœu. Donc moi par contre, ce que j'ai retenu parce que mon résumé du film est assez simplé, j'ai retenu une scène malaisante, une scène drôle et une scène Jim Carrey quoi. C'est un nom à la Jim Carrey. Donc moi j'ai retenu que en gros, genre. S'appelait le nain. Blanche-Neige, le nain. Ah, j'ai pas entendu. Ici, on aime le cinéma. Disney 1936. C'est vrai ? Je crois. Putain, j'adore le cinéma. Il y a aucun moyen de vérifier. Non, vous ne vérifierez pas. Bien sûr que si. Il faut savoir que tout est faux dans le podcast. Je suis seul. Vas-y. Alors, eh ben, écoute, t'étais vraiment pas loin, fils de pute. C'est 2010. Devinez. C'était 37. Ouais, 42. C'est de quoi, trop loin, 42, j'ai dit pas loin. Ça va, 36-40. C'est 37, ça. Putain, bien joué. Dans le cinéma. Je vous ai dit qu'il faut qu'on fasse le jeu des années. D'accord. Un shot, si jamais tu découvres pas. Ouais, c'est ça. Trop bien. Ouais, c'est le jeu des années. Déjà, ça manque de shots en vrai, non? Non. Ta scène malaisante? Non, c'est pas trop. Et du coup, ta scène malaisante? En gros, il y a une scène malaisante où, genre, Jim Carrey, il a un truc avec son fils, c'est genre la griffe, et il arrive, il fait des chatouilles, tu vois, comme ça. Ouais. Non, voilà, c'est vraiment ça et ça se passe. Mais continue genre, à mimer au c'est cas pas, où. Au cas où c'est pas assez radiophonique. Ouais, ouais. En gros, c'est pas vraiment malaisant dans le sens où c'est un peu mignon. Et son beau-père, à un moment, il essaie de le refaire, mais genre il est en mode et la griffe, Et tout, il y a tout le monde, il y a même sa mère, regarde, elle est. Bah ouais, c'est. Enfin, non. Personne ne. Voilà. Et du coup, c'est là, vraiment, c'est la scène malaisante. Ensuite, il y a une scène vraiment drôle, genre en gros. Enfin, vraiment drôle. Oula, j'aurais jamais dû dire ça parce que c'est pas vraiment drôle. Mais c'est une scène. Son père meurt, donc c'est pas drôle, j'adore cette scène. Non, mais genre à un moment, genre il y a un ancien détenu qui l'appelle et tout. Le cinéma aussi, le cinéma indépendant sur YouTube. D'ailleurs, en parlant de détenu, il a tenu une correspondance avec Tupac pendant qu'il était en prison. Qui ça? Vas-y, Jim Carrey. Pourquoi? Bah parce qu'il aimait le rap et parce qu'il a su que Tupac était fan de lui, donc du coup, il a tenu une correspondance pour le faire rire pendant toute sa détention. Et finalement, c'est Jim Carrey qui l'a tué. puisse fumer. Pardon. Littéralement en plus. Ah bon? Littéralement. Il a roulé dans la grosse guinze et il a brûlé. Non. Les cendres Tupac ont été fumées après par ses potes. Genre. C'est trop bien. Ils ont fait un gros day, enfin plusieurs day, ils ont mis un petit peu de cendre, ils l'ont fumé. Après, ouais. Ils l'ont fumé comme je vous ai fait. Faites ça avec moi s'il vous plaît. Non. Bah les autres, ensuite il y a une scène drôle, ouais, c'est en gros malaisant. Genre il y a un client qui l'appelle, il appelle sa secrétaire et tout, il dit ouais bah et qu'en gros il se retrouve, il s'est refait cramer, il se retrouve en toile et tout. Et c'est tout con mais genre Jim Carrey il sort, il prend le téléphone comme ça, et genre il dit bah en gros genre t'as pas vu la loi, un truc comme ça, mais genre c'est dit de la manière de Jim Carrey et du coup ça tu peux redire renforce le comique. Du coup, c'est drôle le truc. Ah ouais, c'est drôle. Vous avez compris ce qu'il a dit ou pas? Hein? Bah, c'est du Jim Carrey tout craché. Hein. Non, mais ouais, il a dit quoi? Moi, je me comprends. On reconnaît le sacré Jim Carrey. Hein, ah, on reconnaît le Jim Carrey. Il a joué redis la réplique en. Redis la réplique en articulant. Bah, faut pas violer la loi, andouille. C'est bon. T'as dit ça en si peu de temps. Faut pas. Oui, mais andouille. Non, j'ai pas dit andouille. Parce qu'andouille, c'est un peu. C'est pas bien pour les auditeurs. Bon, maintenant on va passer à le qui c'est la bonne réplique. Ah ouais, yes. Le micro. Qui sont les snorkies? Qui mais qui sont les snorkies? C'est super gentil. Hello mate. À mon avis, ça va être vite reconnu parce que c'est des toutes les répliques viennent d'un film de Jim Carrey dans tous les cas. Il y en a juste deux fausses qui viennent pas de menteur et c'est à vous de trouver laquelle est juste. Quoi? Attends, elles sont deux fausses, elles viennent. En gros, elles viennent d'autres films de Jim Carrey. En fait, c'est que des vrais, mais pas du film. Ouais. C'est que des répliques de Jim Carrey, mais pas dans le film. Il y en a que deux qui sont dans le film. Ça. Attends, j'ai décidé de pas respecter le principe. Il y en a qu'une seule en plus. Après moi, j'ai ça, je vais pas respecter. Attends, mais... c'est tous ouais. Des répliques de Jim Carrey. C'est tous des répliques de Jim Carrey dans un film. Il suffit juste de trouver laquelle est dans Menteur Menteur. Et par contre, Menteur Menteur est écrit par Judd Apatow et ça, j'apprécie. Alors, les répliques. Ouais. En gros, donc il y en a un, c'est tu la sens, ma grosse intelligence. Ah, c'est pas dans ça. Bah, tu la sens, ma grosse intelligence. C'est pas dans celui-là. Le mec a dit tiens, je prends le même le plus conné de Jim Carrey. Et je fais oh, c'est dans le film. Nous avons une cliente qui a une mycose vaginale galopante, elle s'apprête à faire du pain et je vois qu'elle a déjà l'allure. Et l'autre c'est tu l'as tiré comme un malade, tu trempais la biscotte, t'emmenais Popol au cire, tu l'as farcissé comme une dinde au réveillon. Ah mais ça c'est dans ton film ça. Non. Laquelle est la juste? La deuxième. La deuxième la juste, ouais. La deuxième, nous avons une cliente qui a une mycose vaginale galopante, elle s'apprête à faire du pain et je vois qu'elle a déjà la levure. Ouais. T'es sûr de ça? Ouais. Et c'est faux. Sérieux, quoi? C'est la troisième? Ouais. C'est la troisième, c'est tu l'as tiré comme un malade, tu trempais la biscotte, t'emmenais Popol au cire et tu l'as farcissé comme une dinde. Dans quel contexte il dit ça? À son fils. En plein tribunal. Ah, moi qui dis la vérité, ça? Oui. T'es trop loin du micro, connard. Mais vrai de vrai ou j'étais vraiment non, trop par rapport à, en fait, c'est par rapport à Lucas. En fait, voilà, du coup, il va galérer en montage. En gros, voilà, c'est juste ça, voilà. Je vais juste. Désolé. Ta gueule, connard. Donc voilà, donc en vrai, ouais, la vraie, c'était tu l'as tiré comme un malade, tu trempais la biscotte, t'emmenais Popol au cirque, tu l'as farcissé comme une dinde au réveillon. Bah, c'est sympa ton film. Eh ben, ça donne envie. T'as pris plaisir à le regarder ou pas? Franchement, moi je l'avais. Alors, moi je l'ai vu. Tu l'avais déjà vu, franchement. Je l'ai pas vu. Je l'avais. Donc, je l'ai revu pour le podcast. Oh le menteur. Je l'ai revu. Vas-y. Et non, franchement, alors. Je trouve pas que c'est un des meilleurs. Lucas s'est marié donc. Je me suis pas. C'est pas un film où on se pisse dessus de rire, quoi. C'est un film qui se laisse. Non, mais. Parce que Jim Carrey, ça pourrait, tu vois. Genre, je sais qu'il y a des vannes qui me font parfois vraiment rire. Et genre là, vraiment, c'est pas. Pas Ten City, ça, donc. Moi, je pisse dessus derrière en voyant les films, quoi. Je suis un continent. Éternu, bam. Mais sinon j'ai pris plaisir à le voir dans le sens où c'est pas un film nul. Il y a. Après, la morale est nulle à chier. C'est vraiment. C'est qu'est-ce juste que tu retiendrais de ce film alors? Si tu devrais le défendre, si par exemple, je te dis. Bah, vraiment, genre, moi, Jim Carrey dans son propre rôle, quoi, vraiment. T'as choisi ce film pour Jim Carrey aussi. Oui. Donc en soi, oui. Bah en soi, il n'y a rien de spécial par rapport. Il a, mais justement, en fait, le truc, c'est que je voulais prendre. Enfin, oui, parce que ouais. Bah, en même temps, t'étais piégé, je te comprends. Avec Jim Carrey, on a assez piégé dans le sens où il y a beaucoup de trucs connus. Et le fait que toi, t'es pris un truc non connu, que moi, que j'ai pris un truc qui est connu en quelque sorte, mais que personne n'a vu ici. Pas connu, du coup, on l'a défini. Si, menteur-menteur, il est. Ça va, menteur-menteur, tout le monde connaît au moins deux noms, tu vois. Et donc, vraiment, le fait que. Tu connaissais pas de nom? Absolument pas. Ah ouais? Putain, je vais essayer de donner que feu quoi. Voilà, moi aussi, vite. Sinon, Kylian, pour rebondir sur ta phrase de tout à l'heure, est-ce que tu peux citer un film sur, dans lequel on se pisse de rire? Ouais, par exemple, c'est quoi un film où on se pisse? Ah, attends. Alors, moi, attendez, hors vanne, vraiment, vous allez vous foutre de ma gueule, c'est sûr. Mais il y a une vanne dans Dumb and Dumber 2 qui m'a fait vraiment rigoler, tu vois. Bah, il est drôle, Dumb and Dumber 2. Bah voilà, bah les Mickey Womer, alors du coup, voilà, bah Dumb and Dumber 2, c'est un film marrant. C'est valide. Ouais, c'est validé. Non, moi, il y a 2-3 scènes de Dumb and Dumber, elles me font pas pisser de rire, mais elles me font vraiment rire. Bah dans la voiture, bah oui, mais piste, t'as pas avoir honte. Oui, ah oui. Voilà, ça aussi. T'as pas à avoir honte, hein, c'est vraiment des films drôles. Bah c'est ouais, pourquoi personne a choisi quoi. Pour Human Centipede, donc tu rigoles. Moins drôle quoi, tu rigoles. Tu pisses. Pas pour les vrais. Ça pisse, mais pas de rire. Ah voilà. Moins de rire du coup. Ah ok, d'accord. Sur une échelle Happy Birthday 2, Eternal Sunshine. Oh, franchement moi je le note à 6,5, hein. C'est pas. C'est un film cool, ça se laisse regarder, mais c'est pas excellent. Hein. Et vous? Ouais, pareil, moi aussi. Absolument pas. C'est, mais ouais, c'est, mais en sur une échelle Peggy Sue, c'est Mario. Ouais, il est moins bien que Peggy Sue là pour. Ah, moi je le note au-dessus, moi. J'aime bien quand c'est drôle. Mais après, ouais, c'est pas grave. Après, c'est lui qui décide. Hein, et ça a l'air d'avoir. Tu sais, genre, il y a plus de choses à manger dans Peggy Sue que dans. Ah, bah tu m'étonnes. Déjà, il y a 1h40, il y a Nicolas Cage, Peggy Sue, des scènes. Après, peut-être parce que lui, il a tout raconté. Après, il reste dans le thème. Après, il a squeezé une demi-heure, quoi. Oui, enfin, alors que c'est une demi-heure dans le où lui il a vraiment pris le il a pris le script, il a bossé, hein. J'ai pris fil, j'ai pris des notes. J'ai pris fil, maman. Je suis le gars. Non, bah, c'est tout. Moi je trouve que t'es génial. Oh, mes petites beautés. Voilà. Non, mais après je suis. Sinon tu faisais Philippe Manœuvre. Putain, bien joué. Le pop canon. Oh là là. Oh la catastrophe. Alors pour défendre mon film, parce que c'est son. Moi je me bien, ça me donne envie de le voir. Mais dans le sens où genre derrière, Ryan, faut que tu prennes en compte le fait que le thème c'était Jim Carrey aussi. Après hein, t'es en train de le branler sur la table quoi. Donc, ça, quoi. Est-ce que ça joue? Peut-être un peu. Je veux dire c'est un film classique de papa et de son fils en fait, c'est tout. Genre il y a. Ouais, enfin papa qui délaisse son d'ailleurs, fils. D'ailleurs bon thème, film père et fils. Voilà c'est tout. Mais en vrai, t'as pas envie de le voir? Et plus que ta mère de Peggy Sue, vraiment. En vrai, t'as vraiment pas envie de le voir, Interrupteur? Franchement, bah, c'est bien, c'est un. Mais en gros, dans le sens, c'est vraiment. C'est, voilà, c'est un film classique, dans le sens où. Derrière, t'as juste beaucoup de grimaces, beaucoup de. Tu voudrais voir un film classique ou un truc qui change. Non, attends. Change de ton habitude, c'est sûr. Attends, s'il te plaît, parce que nous, quand on a écouté ton film, on n'a pas basé notre film sur le tien. Non, ouais, ça va. On n'a pas basé notre film sur le tien. Si, en oubliant ton film, en oubliant la compétition. Le fait que bah, genre, ce soit du Jim Carrey où il va faire des grimaces à peu près 45% du temps, 75% du temps, tu trouves ça, pas plus intéressant de voir un truc un peu plus original? Si je veux voir Jim Carrey jeune. Mais si je veux voir Jim Carrey, je regarde un film où il est l'acteur principal, pas un film où il est secondaire. Non, mais ça c'est triché ça. Bah oui, c'est sûr. Non, c'est pas le truc du. C'est pas le principe. Tu veux découvrir non, mais le principe films. C'est le thème. Mais non, bah non, c'est juste pour ça. C'est justement pour ça qu'on s'est autorisé à faire où il est figurant comme une merde ou un truc comme ça. Si on juge des films, on juge pas des films de Jim Carrey justement. C'est pour ça que je te dis c'est plus intéressant de voir ce film là. Mais par contre, oui, mais alors est-ce que préférer. Voilà, est-ce que préférer Nicolas Cage à Jim Carrey, c'est mieux? Bah ouais, parce que Nicolas Cage il a vraiment fait des films incroyables. Hein. Oui. Il y a vraiment des masterclass de Nicolas Cage où il joue volte-face par exemple, genre il joue n'importe comment, enfin c'est incroyable. Ouais, c'est où il est full cock, enfin c'est incroyable. Mais voilà, non mais sans penser à ton film, ouais. Genre est-ce que ça. Enfin vraiment, t'as envie de te vider la tête un après-midi. T'as envie de te vider un après-midi? T'as envie de te vider la tête un après-midi? Après, Kurt Cobain s'est vidé la tête un après-midi. Fils de pute. Non mais voilà, genre tu regardes, tu dis bah voilà j'ai envie de regarder un film de Jim Carrey. Est-ce que je vais pas regarder Mon Tormenteur qui est un film? Ouais, non. Est-ce que je vais pas regarder Non. Ouais, voilà, vraiment tous les autres après Mon Tormenteur. Et après Peggy Sue. Oui, mais un film que j'ai pas vu, tu vois, tu te dis j'ai envie de voir un film que j'ai pas vu. Tac, t'as le DVD dans Mon Tormenteur, tu prends, tout, tu mets. Non, voilà. On paye pas pour ça. Bon, déjà, qui a le DVD voilà, de Mon Tormenteur qui a ça, quoi? Je suis sûr que le kiosque qui l'ont pas. T'as le DVD de Mon Tormenteur, ça le fout? Non. C'est pas vrai. Donc alors moi ma chronique de base, donc ma chronique ça aurait dû être prendre un cahier de vacances. C'est ça. Sauf que finalement on a changé le truc dans le sens où il fallait que je vous donne une énigme. Hop là, j'active la barre. T'as essayé de changer parce que t'es pas inspiré. Voilà, exactement, vraiment, totalement. Donc en gros, moi, je fais une mini chronique dans le sens où je vais vraiment juste genre essayer de vendre Jim Carrey comme un objet de comme une femme de shopping. Ah, non, de shopping. Ah, et... Là, je vais me suicider avant la fin. C'est ma troisième bière. Hein. Ah, c'est ma troisième bière dans la tête. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Je commence déjà les refs d'autres podcasts. Est-ce que ça te prend à la gorge comme Chester de Linkin Park? Oh là là. J'ai mis du temps, mais je l'ai vu. Je suis un peu fier. Hein. Dédicace à tous les. Allez, on s'y. Allez, tout le monde, allez, un chanteur qui s'est voilà, suicidé. Allez, Antoine, t'en as fait un à toi, Kylian. Un chanteur qui est mort. Je dirais pas le chanteur qui est mort, qui s'est suicidé. Ouais, voilà, un suicide. Ouais. Ah, suicide. Ou overdose, ça compte. Morrison. Est-ce que c'est le gars qui s'est fait griller comme Toto? Amy Winehouse. Ouais. Putain, j'ai le droit de dire l'équivalent un peu de Jim Carrey pour les gens. Mais pas en, t'sais, en jeu, juste en happiness. Je vais dire François Daniels. L'équivalent de Jim Carrey. En happiness pour les gens. Vas-y, donc Robin Williams. Ah, oh, bien. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, mais il chantait absolument pas. C'est bien que tu viens de niquer une de mes vannes de mon truc. Mais il chantait pas. Non, franchement, il chantait pas. Ouais, on a dit un chanteur mort par contre. Ouais. Ça été... Ah, vous avez bah dit Robin Williams. J'ai chanté une célébrité morte. Ouais, bon, ça passe, ça passe, ça passe. Robin Williams, il chante, j'ai envie de dire. Bon, du coup, non, t'as pas allé, tu lis. Faut trouver un chanteur mort là. Morrison. Un chanteur mort. Jim Morrison. Qui s'est suicidé ou qui est mort? Overdose. On a dit Whitney Houston. Oh, c'est les tocs là. C'est des chanteurs déjà. On balance. Moi je vais pas dire, je suis pas gilet jaune, mais c'est quand même Macron qui a tué Coluche quoi. Ouais, bien sûr, c'est Giscard, enculé Giscard. Du coup, Giscard en plus. Non, 80. 84. Ça y est, toi t'as en cours de je sais pas quoi, t'as eu les présidents français. T'as passé ton galop toi, t'as passé ton galop. Ah ouais? Mitterrand? Ouais, premier mandat de Mitterrand. Ouais, c'était ce 81. Bah enculé quand même. Mitterrand. Presque pas un enculé quoi. Tonton. Ouais. 15e lancement pour Kylian. Et pour toi, celle-là. Alors, c'est un lancement qui s'est vachement. Elle est sur la guitare, ouais. Antoine, fais un générique. C'est bon, t'as joué. Elle est branchée ou pas? Ouais, elle tape pas, mais. Et je joue. Et... Elle est branchée, là. Mais ça, après, c'est de la Lifi, je crois. Yes! Allez, c'est bon, on peut partir. Hein. Applaudis. Hein. Vas-y. Le micro! Tu sais que c'est moi la nuit avec mon casque comme ça qui est partout et qui saigne des oreilles. Genre sans prévenir, je vais entendre un gros. Voilà. Désolé. Il s'excuse à lui-même. Excuse-moi, Arène du futur, mais. Ah! Voilà, ça c'est pour toi. Oh, il a crié. Oh, bah, une minute d'intérêt, il retient le temps pour pas avoir à écouter. Hein. Putain, ouais, ça, il faudrait faire ça en fait. Faudrait noter la merde qu'on dit, tu notes sur un papier après tu peux faire ton truc. Enfin, finalement, il y a 1h21, il y a 1h20 de merde. Hein. Oui, on garde 5 minutes. Oh, je suis embêté pour le générique, tu vois. J'ai pas été si près du micro que ça. Alors là, la rubrique de Kylian. Ah, c'est les harmoniques. Ça, tu connais rien à la musique. Je connais rien du tout. Envoie la bière. Je suis un zico, ça. Toi, c'était pas un fa majeur, ça? Je suis un zico salier gosse. Oh allez au plat. Et pour vous et pour moi. Pour nous. Plaisir d'offrir, je vais les recevoir. La rubrique. One eternity later. Allez, Kylian. Le micro. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec ce magnifique objet, Jim Carrey. Alors voilà, donc il a été vendu à plus de 0 exemplaires, pour la simple et bonne raison qu'on vend plus d'hommes en France depuis 1848, et dans le monde entier, hein, bien entendu, et d'hommes blancs depuis d'autant plus longtemps. Ce qui est la particularité de cet objet, c'est un magnifique Auguste, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, un Auguste c'est un clown triste. Ce nom, il a bien mérité, hein, ce titre il a bien mérité, pour la simple et bonne raison, parce qu'il est, si on est dans la salle, dépressif. Et donc, rire dans la salle. Une fois acheté, c'est un objet qui mérite énormément de soins. Il faut le laver ou appeler une infirmière à la maison. Parmi les précautions d'emploi, il faut l'éloigner le plus souvent des fenêtres, des lames de rasoir, des anciens DVD de films de Robin Williams, autant pour moi, et des albums de Columbine. Mais là où c'est la cerise qui sait attendre, c'est le prix. Et, il vous en coûtera uniquement des antidépresseurs, des séances de psy et quelques prix d'enterrement, enfin le crématorium quoi. Ouais, c'est abordable. Les, frais d'incinération. Voilà, donc il me semble que pour ceux qui veulent l'acheter, vous vous appelez le 30 118 218 et vous nous rappelez dans la semaine. Bisous à tous. Moi je dis on met le vrai numéro de Kylian. Non, allez vous. C'est marrant. C'est la nouvelle vie. Oh putain, mais quel coup m'as-tu choisi? Putain, le hasard fait bien les choses. Ah oui, bon, moi j'ai un petit rébus. Hein. Ah, cool. Un petit rébus. Alors, bah, en fait, non, c'est pas un rébus du coup. Parce qu'un rébus, c'est avec des images, d'accord? Oui. Bah, ouais. Du coup, je suis pas un rébus. Et une devinette. Une charade. Attends. Alors, mon premier. C'est une ville de Bourgogne, la plus connue, je pense. C'est où la Bourgogne? Oh, vous connaissez pas la ville de Bourgogne? Non. On y fait de la moutarde, bordel. Tu veux dire ça plutôt? Après, c'est un synonyme de chibre. Bit. Dijon pénis. Dijon bit, chibrax, phallus, sabre. Non. J'ai pas entendu la bonne réponse pour l'instant. Dijoncté. Bingo, bah, je vous sers un bite. Ouais. Pourquoi? C'est quoi la bite? C'est un film, ça. Le jeu. La bite, la bite. Oh, bah, la queue. Ah, après, le jeu. Bien joué. Allez, on t'écoute. Attendez, je cherche les informations sur le film disjoncté parce que je les ai pas. T'as pas fait de fiche? Il a pas vu le film. J'ai pas vu le film. Non, si, en fait, je vous explique un peu. Je l'ai vu en deux fois. Mmh. Sachant que les deux fois ont été espacés de deux semaines. Donc j'ai oublié deux trois détails un peu subtils, tel le film en fait. Donc 96, donc je sais pas où ça se situe par rapport au film. Un an avant Menteur Menteur. Mais on est sur un Jim Carrey bien foufou, bien taré, qui fait du Jim Carrey à fond. Dépressif? Non, pas dépressif, mal mental. Okay. En fait, c'est un film réalisé par Ben Stiller, le gars, que c'est Ben Stiller. Ouais, globalement. Ouais. Ben Stiller. Walter Mitty. Tropic Thunder. Enfin, ouais, tout à fait, Tropic. Putain. En français. mon gendre ou je sais pas quoi là, le pire gendre. Ouais, oui, père et mon beau-père. Mon beau-père et moi. Bref, tout ça. Mon beau-père et moi, les coups du Linkin Park. Mon beau-père et moi. Oui, le titre québécois c'est Le gars du coble. Donc 14 juin 96, film américain évidemment. Donc ça raconte l'histoire de Matthew Broderick. Donc Matthew Broderick fait Ferris Bueller. Donc déjà j'ai gagné parce que Ryan adore ce film. Ouais, mais c'est bon. C'est gagné. Alors, c'est vrai, voilà, je l'ai maté en deux fois parce qu'en fait il est pas très bien. Du coup je me suis un peu fait chier au moitié. J'ai fait hop là j'arrête. Du coup bah j'ai arrêté au à la milieu. Et, à la milieu. À la milieu. Tu le mets au féminin, super. C'est ça, bah je suis inclusif. Allez, ça c'est coupé. Ah, le deuxième. Coupé au montage. Je suis inclusif. Hop, j'adore Twitter. Qui est dans ça, non? Du coup, je l'ai maté en deux fois. Il faut savoir qu'on enregistre un jour là. Et je l'ai maté la veille à 3h du mat, la Suisse. Du coup, le matin même. Du coup, un peu le matin. Le jour de Algérie Côte d'Ivoire. Donc c'est la ça, veille, là. C'est le jour de. C'est ça. De la veille de Algérie Côte d'Ivoire. Merci. C'est la veille de quoi déjà? C'est le jeudi. Madagascar-Tunisie. Ah ouais, putain, c'était lourd. Combien la Tunisie vous gagnez? 3-0. Putain, mais joué. C'était 3-0. C'était 3-0, pardon. Bravo. Oh putain. Alors l'histoire. Le micro en pédale. On voit les couilles. Mon père. L'histoire, c'est Matthew Broderick. Ça va pas très bien avec sa femme. Donc il se fait virer comme une grosse merde. Donc ça va plus. Bah ça va moyennement. Ah, c'est un peu compliqué, tu vois. Enfin, genre, c'est un peu. Ils sont en break, mais en même temps, elle a viré qu'à lui. C'est une pause. Bah, un peu. Une pause un poil prolongée, quand même. Donc, elle a viré comme une grosse merde. Et il y a son meilleur pote, c'est Jack Black, donc j'ai déjà gagné parce que Ryan adore cet acteur. Donc c'est Matthew Broderick qui va pas bien avec sa femme. Son meilleur pote Jack Black qui fait hey « Eh mec, va installer le câble et si tu files $50 au mec du câble, il peut t'installer toutes les chaînes. » Donc Matthew Broderick fait « Putain, trop bien. » Du coup, il y a Jim Carrey qui arrive pour lui mettre le câble. Il lui installe le câble, il lui file $50 et Jim Carrey fait oh, « Putain, ouais, t'es trop mon pote. » Et genre, il fait « Vraiment, t'es trop mon pote. » Il fait « Demain, on sort. » Du coup, demain, le lendemain, ils sortent. Du coup, ils sont meilleurs potes. Sauf que Matthew Broderick, il est un peu gêné. Je vais l'appeler Matthew parce que Broderick, c'est un peu chiant à dire. Matthew, très bien. Bah, t'es son tas, t'es mal. Non, mais non, rectification, je vais l'appeler Philippe parce que c'est encore un peu plus pratique à dire. Du coup, Philippe, il sort avec Jim Carrey, tu vois. Et ils sont meilleurs potes. Et évidemment, en fait, là, ce film, c'est le festival de Jim Carrey. Donc, c'est Jim Carrey qui fait du basket, Jim Carrey qui fait du karaoké, c'est Jim Carrey qui est sur une antenne. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est Jim Carrey, il en fait des tonnes à chaque fois. Genre, vraiment, il danse, il chante, il fait que de la merde, enfin, genre, tout le temps. La scène de basket, elle est vraiment drôle, la scène de karaoké aussi. Mais le problème, c'est qu'il en fait des caisses et des caisses. Et à côté, t'as un Matthew Broderick qui est vraiment. Matthew Broderick, quoi. Il est inexpressif, à crever. On dirait qu'il est en dépression dans tout le film. Et il s'en bat les couilles de ce qui se passe à chaque fois. Et c'est hyper chiant. Et c'est pour ça que le film est un peu chiant. Parce qu'en fait, il y a des bonnes scènes. Et ils sont hyper bien réalisés. Genre la scène. Genre, il y a une scène de cavaliers, je sais pas quoi. Là, ils sont dans un resto où il y a des chevaliers. On comprend rien, cette scène. Mais juste elle est bien filmée. Elle est bien filmée, et genre on comprend rien du tout, mais voilà, elle est là. Et il y a plein de trucs comme ça dans ce film où c'est que un enchaînement de scènes cool, mais le scénario, il a, c'est juste Jim Carrey qui va être pote avec Matthew Broderick, quoi. Genre après, il fait ah non, je vais plus être ton pote, Matthew Broderick, il fait Jim Carrey, ah bah je vais me venger alors, après je venge. Après Matthew Broderick, il fait ah c'est pas bien, tu t'es vengé. Après Jim Carrey, il fait ah ouais, c'est vrai que c'est pas bien. Du coup, il redevient pote avec lui, puis il est reméchant après, puis après, il fait bah tiens, je vais me jeter sur l'antenne. Après, on s'est foutu de mon scénario, mais. Ah oui, mais moi, ça pue la merde, hein. C'est nul. Attends, il s'est jeté en fait, c'est une grosse critique de la télé, parce que tout le long du film, en fait, Matthew Broderick, il regarde un peu la télé, et il voit un procès où un jumeau, il a tué son jumeau, tu vois. Et le mec qui joue jumeau, enfin les deux jumeaux, du coup, c'est Ben Stiller. Du coup, c'est un peu rigolo, parce que tout le film, tu vois Ben Stiller, j'ai tué mon pote et tout. Et en fait, c'est une grosse critique de la télé. En fait, le scénario, il n'a pas le droit à voir, mais en fait, c'est une grosse, grosse critique de la télé. Je l'ai dit 8 fois et demi. Ça t'a plu au moins ? Ça va. T'as préféré la première partie ou la deuxième partie deux semaines après ? La deuxième. Parce que la première partie, il y a un peu poussive, mais j'aime bien, moi, le truc du. La poussive. Poussive, quoi. Mais la construction scène par scène, genre. Non chiant, mais en fait ouais c'est vraiment Jim Carrey qui fait je vais être ton pote et puis voilà il y a une scène où ouais, il l'emmène au resto puis après il va faire du basket ou dans l'autre sens je sais même plus et après il fait ah oui au moment Matthew Broderick va en prison mais... parce que Matthew Broderick fait je vais être ton pote du coup pour le piéger il fait je t'envoie en prison il l'emprunte en prison. Comment? Et ça a aucune incidence parce qu'en fait il lui file le scénario il pue la merde enfin genre il lui file des télés des cadeaux genre et après il fait ah non c'est des télés volés et puis du coup il l'emmène en prison genre. Et après il revient en prison il y a une scène qui est un peu bizarre où il joue au mot de passe de cul genre bah mot de passe le jeu mot de passe vous voyez sur France 2 avec des mots de cul genre prépuce ou nichon ou téton genre oui bah voilà par exemple ils font ça et genre dedans il y a Jim Carrey en duo avec la femme de Matthew Broderick versus Matthew Broderick et sa daronne. Oh là là. Mais c'est vrai, on comprend rien dans ce film. Hein. Genre, tu c'est tu connaissais ou pas ? Est-ce que le fait que je sois le seul qui a fait une cohérence, ça va compter sur le fait que je vais gagner ? Mais toi, il est pas cohérent. Il est pas cohérent. Je connaissais pas du tout. Et Jack Black ? Ah oui, Jack Black, il apparaît trois fois en tout dans le film pour dire. Mais même pas, il joue même pas. Genre, il fait juste. Tu fais la guitare. Ah bah voilà. Genre, vraiment, il fait que ça, Jack Black. Il fait. Ah bah dis votre gars du câble, après il fait ah bah je suis invité à la soirée karaoké, après il fait ah bah je t'avais dit que ce mec était un fou. Voilà c'est tout. Mais Jack Black il joue quoi déjà? Il joue le meilleur pote. Il joue son meilleur pote. Le, du coup, En fait en parallèle il est instituteur d'une école qui s'appelle l'école du rock. Ah, non, et après. Après il est dans une maison hantée. Oui bah. Ah ouais putain. Je te dis l'école du rock. Ah bref, ce film, c'est Jim Carrey qui va être pote avec Matthew Broderick qui veut pas, et à la fin, Jim Carrey essaie de se suicider sur une antenne. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment tout, genre pour gagner, ce film est incroyable. Oula. Tu dis, putain, le cast est incroyable de A à Z. Genre, tu dis, putain, ouais, Judd Apatow écrit dessus et tout. Enfin, non, il produit le film, donc il croit au projet. Jim Carrey, il est survolté, t'es en mode putain, ok, ouais, il a produit des merdes hein, quand même. Hein. Oh, il doit pas toi produire des énormes merdes. Mais le problème, c'est que vraiment, le scénario, il pue la merde, juste. C'est un enchaînement de scènes bien réalisées. Par contre, Ben Stiller, il fait le taf, parce que voilà. Mais il fait que ça. Bah, problème, c'est ça. Parce que même, comme le scénario, je sais pas trop. Mis à part la réalisation, sur une échelle de Happy Birthday 2 à Eternal Sunshine, bah, 6. Genre, en vrai, ça, ah, ça tu fait... le reverrais quand même. Ouais, ouais, je le revois. Pas de suite, mais ouais, tu reviens. Il y a un temps de 5 à 7 ans, je pense. Puis on regardera en deux fois, toutes les deux semaines. Ouais, voilà. Okay. Non, mais en vrai, parce que le film est un peu relou, parce que vraiment, tu fais putain, et enfin. Genre, t'as pas envie de voir forcément la suite, parce que. Oui, ben on a compris ce qui va se passer et tout. Enfin, genre, tu vois le film venir à des kilomètres, mais c'est juste, ouais, il va être pote, et l'autre, il veut pas. Il veut pas être pote, et puis. T'as des scènes, quoi. Ouais, donc c'est un film. Ouais, c'est un peu faible quand même. Non, mais voilà, il y a rien. Le scénario, il y a un bon casting, mais t'as bien fait de le choisir. Mais par contre, c'est du. C'est... Bah, je l'avais jamais vu, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Ouais, en vrai, ouais. Bah, je vois le cast, je vois Matthew Broderick que j'adore, je vois Luca Pato, je vois Ben Stiller, réalisateur, je vois Jim Carrey qui a l'air d'en faire des caisses. Enfin, genre, je me dis putain, ça a l'air incroyable. C'est, ouais, c'est dommage, en vrai, c'est incroyable. Le meilleur film, soit le film où Jim Carrey a vraiment aucun rôle, quoi. C'est vraiment ton film. Mais arrête, il pue la merde. Ouais, je te jure, c'est vraiment, t'as le pire jugement. J'ai pas dit. Non, attendez, les gars. Bah, c'est le plus intéressant parce que, genre. Voilà, c'est le plus intéressant. Non, c'est pas le meilleur, je vous conseille. C'est pas alors, le meilleur. Alors, à mon avis, attendez, moi je vais revenir. C'est un truc qui trouve que c'est le plus intéressant. À mon avis, il va le regarder, il va pas du tout retrouver le scénario qu'il a raconté. Bah, si, si, alors ça, si, hein. Ça, il le retrouvera. À partir du moment où on l'a pas compris le scénario, quand on va revoir le film, on comprendra pas ce qui se passe. En tout cas, il me l'a vendu parce que menteur. Ça m'a pas donné envie, hein, très clairement. Je... Et voilà, non mais tant pis. Et moi le mien, il vaut le coup d'œil, parce qu'il y a une déception quand même. C'est, putain, il y a tout qui peut marcher, et vraiment, il y a rien. Enfin, mec, c'est pas qu'il y a rien qui va. Parce son film à choisir, tu fais chier quoi. Mec, son film Francis Ford Coppola quand même. Bah oui, bah c'est bien réalisé, mais chez Ben Stiller, il fait le taf dedans. C'est vraiment propre. Et moi, il y a un vrai scénario, c'est juste qu'il est plat, et tu vois la fin direct, et tu fais. Et bah, Jim Carrey, c'est le méchant, et Jim Carrey, il aime pas la télé. Enfin voilà. Enfin, si, il aime trop la télé, justement, c'est le problème. Mais... Un autre film où il aime trop la télé. Ouais, un peu. Non mais voilà, c'est une grosse critique. Bon, c'est pas très bien ficelé, mais c'est bien réel. Et Jim Carrey, en vrai, si t'aimes Jim Carrey, t'aimes ce film parce que vraiment, il en fait des caisses. Et ouais. Si t'aimes Matthew Broderick dans Ferris Bueller, t'aimes pas ce film. De toute façon, si t'aimes Matthew Broderick dans Ferris Bueller, tu l'aimes dans aucun autre film en fait. Oui, voilà, c'est le problème parce que c'est... vraiment, juste il joue bien dans Ferris Bueller et après il s'est arrêté. Quoi. Après la vieille. Ah, voilà, il a pris 5 ans. Il est très mal vieilli. Ouais, Jack Black il sert pas à grand chose dans le film. Ah si, évidemment, t'as une scène, genre c'est l'esprit criminel où genre il commence à faire putain Jim Carrey et tout, il m'a donné un faux nom. C'est bien, on commence à faire des recherches, t'as vraiment un montage recherche de Jack Black dans des dossiers et tout. Il fait ouah putain, j'ai trouvé son vrai nom et tout, et ça a aucune répercussion sur le film. Parce qu'à la fin, on connaît toujours pas le vrai nom de Jim Carrey. Non, mais le film est pas fou. Hein. Non, mais j'aimerais bien le voir. Putain, mais vraiment vachement bien avec. Bah, en fait, moi je suis pas là pour le voir. Je veux dire, je suis là pour voir mon expérience oui, par rapport à ce film. Je suis encore capable de faire un super volume. Mais ma expérience par rapport à ce film qui est assez décevante. Ouais. Mais par contre, il vaut le coup d'œil. C'est bien parce que les gars. Il vaut le coup d'œil. Parce qu'il vaut le coup d'euro. Allez, c'est ça, ça, coup d'euro. Bon, bah, du coup, dans l'ordre. Attends. Attends, peut-être que on peut parler des. Moi j'ai toujours pas lu d'autres pages de 50 nuances. Hein, Attends, j'avais grave envie dans le truc. Tu veux en lire une et peut-être qu'on fait les films. On aurait pu parler de des mentions honorables. Non mais moi j'ai une petite chronique. Là. Ah bah oui, un petit jeu. Pardon. Allez, on écoute. Alors le jeu c'est très simple. Est-ce que c'est un commentaire laissé sur le ciné pour le film disjoncté ou est-ce que c'est un commentaire laissé sous une vidéo porno? Parce que je suis un excellent masturbateur. Avec des heures et des heures de recherche. Ah, c'est plus tout ça, c'est une vocation. Pour académique purpose. T'as combien de propositions à chaque fois? Non mais je veux dire un commentaire, vous allez dire est-ce que c'est porno ou est-ce que c'est allo ciné. Alors on commence avec putain ces effets sonores. Pornhub. Pornhub. Non, moi, franchement, Allociné. Pornhub. Allociné. Pornhub. C'est Pornhub. Putain. Yes. Alors comptez les points. Hein. Tu te branles pas assez, Kylian. Ah, j'ai pas assez. Comptez vos points, ouais. Comptez vos propres points. Et trichez. Je décide. Donc un point du coup. Non, ça marche pas. Ensuite, le début passe pas mal, après, c'est pas super intéressant. Allociné, Allociné, elle est dure. Elle est dure comme Allociné. Ah, moi je dis Pornhub. Allociné, alors Allociné, Allociné. C'est halluciné. Mais toi, tu regardes un petit peu mon ordi. C'est faux. La tête de ma mère. Très bon, sous-évalué, à voir absolument. Quoi? Pour Panda, absolument, je veux dire Panda Batou. Halluciné. Halluciné, halluciné, halluciné. C'est clairement halluciné. Halluciné. Clairement halluciné. C'est halluciné, évidemment. Oui. Mais yes. Tu peux pas recommander un porn, genre. Tu peux pas dire avoir absolument. Il y a des gens vraiment trop sérieux des fois sur Porn de Bain. Ouais, ouais, oui. Genre les mecs qui demandent des réponses du DM de maths. Mais... Oui, là, il a compris. 17 minutes à 18 minutes m'a vraiment fait bander. Je vais revoir ce film. Bah, halluciné. Halluciné. Ouais, halluciné. Halluciné, ouais. Pornhub. C'est Pornhub. C'est évidemment Pornhub. Ça m'a fait bander, tu dis pas ça sur un film. Est-ce que, est-ce que t'en as traduite ou est-ce que genre. J'ai tout traduit. Il y a un travail quand même de. J'ai évidemment tout traduit parce que les Américains sont des gros porcs. Alors, il y prend tout son plaisir et nous le transmet. Bah, halluciné. Halluciné toujours. Halluciné. Halluciné. Je réfléchis, mec, attends. Tout me fait rire. Il y a une vraie pression. Bah, je vais dire Pornhub pour le jeu. Halluciné. Il a oublié la réplique. Oh, ma bière, j'ai vu. Ah, Pornhub. C'est halluciné. Ah, putain. Comptez vos points, n'oubliez pas de compter vos points. Hein. 4 secondes, moi j'ai toujours 1. C'est tout. Bah, j'ai dit Pornhub à chaque fois. Alors, on continue avec. Superbe, vraiment trop classe pour le vrai plaisir, merci. Ah, Pornhub. Celui-là, j'ai vu hier. Tu vois vraiment les experts de Pornhub, hein, genre. Parce que moi, j'ai aucune idée. Yes. Je dirais. Il y a pas ma mère qui m'écoute. Halluciné, halluciné. Ouais, j'irais Pornhub. Pornhub, halluciné. Pornhub, c'est Pornhub, évidemment. Yes. Les gars. T'as aussi ça, 5? Ouais. Énorme. Ils se sont checkés avec. T'es le pire mytho, t'avais deux, il y a une question. Ah, ok. Non, t'avais deux. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, j'ai pensé quand vous êtes check, c'est que vous masturbez tous les deux sur Pornhub et que. Non, c'est juste que c'est évident. D'accord, ok. Genre, ouais, partagez votre sperme. 10 minutes, ça m'a vraiment fait bander, je vais le partager, c'est évident, genre. Ouais, mais vraiment trop classe pour le vrai plaisir, c'est vraiment rien. Bah oui, par contre, c'est un malade mental. Pour le vrai plaisir, quoi. C'est un anglais, celui-là. Attends, c'est quoi, c'est quoi? Super, vraiment trop classe pour le vrai plaisir, merci, c'est un vrai commentaire. Halluciné. Non mais on l'a dit à l'instant. Il a eu le point. Halluciné, il a changé d'avis. En fait, il fait un sur mais surtout, quel con lâche un commentaire sur Pornhub déjà. Vraiment plein. Marrant, mais tu fais ta petite affaire. Toi, Kylian. Moi, je suis modérateur là-bas. Ah non, il exagère là. C'est lui qui a le plus de temps de watch. C'est sérieux, les modos et les webmasters sur Halluciné. Sur ce que j'ai le sur Pornhub, genre ils sont vraiment sérieux. Alors que sur Halluciné, ils sont beaucoup moins. Halluciné, hein. C'est bon. Bon, allez, t'en as une dernière ou pas? J'en ai encore plein. Cool. J'adore ça, j'adore masturber. Énorme, j'ai regardé ce film énormément de fois. Il était longtemps un de mes films cultes, je connaissais les répliques par cœur. Halluciné. Pornhub. Halluciné. Putain. Pornhub. Halluciné. Bah pour le jeu Pornhub. Halluciné. Pour le jeu Pornhub. Halluciné. Halluciné, évidemment. Y'a pas de piège. Tu peux pas connaître les répliques. Oh, je connais par cœur. Non, mais les plombiers qui rentrent. Ah, vraiment, moi j'en ai vu pas. Même comme ce ça, film, genre, il a répété deux fois. Il y a des parodies porno, vraiment, genre c'est 1h40, il y a un scénario et tout. Mais ouais, genre, ouais, avec French Family. Trop bien, voilà. Il y a des répliques dans French Family qui sont cool. Allez, tout le monde sort une chaîne. Boîte ici. Et une chaîne de quoi? De porn. Ok. Fake Taxi. Une chaîne, moi je connais que des sites. Bah voilà, à part Fake Taxi. Lucas, Lucas. Alors attends, qu'on soit clair, une chaîne ou un site? Ou une production? Pareil, vas-y. Production, en fait. Bah Vixen alors. Ah Vixen. Blackhead. On va faire rare ça. Naughty America. Body machin et better. Quoi? Il y a une phrase après le Naughty America. Ah ouais? Nobody does it better. Oui, mais alors je suis désolé, mais moi je suis d'accord avec ça. Oh, les fous! Vrai. J'ai regardé une vidéo hier soir. J'ai la copine de Kylian qui écoute le podcast. Mais c'est moi qui fais cette rubrique. Et que c'est en ma chambre. Vous entendez là-haut. Vous entendez pas, je sais pas. Alex, copine de Kylian. Big up. Ça sera vraiment coupé au montage. Après il est parti. Ah non, ça sera pas coupé. Ah ouais, putain, je vais le foutre. Je bois pour oublier. Ouais. De l'eau. Je bois de l'eau pour oublier qui est maintenant très chaude, je pense. Non, elle est toujours fraîche. Il m'en reste encore plein. Bon, plein, comme ma mère, alors qu'elle a décidé. Vas-y, fais-en encore deux ou trois et on. Non, je finis la liste. Ok. Vas-y. Attends, je vais écouter ce que. Une symbiose royale, je kiffe. Ça, c'est clairement Pornhub. Pornhub. Faut répondre. Hein. Ouais, Pornhub. Je dirais Allociné. Pornhub. Pornhub. Ah, ouais, mais en fait, il n'y a pas de défi parce qu'il n'y a pas de... C'est vraiment. C'est un logique, peu obvious. C'est logique, c'est un peu obvious. C'est tendance. Ouais, mais t'as combien? Attends, moi, ça me fait rien. T'as combien? Et me réponds pas surtout. Il a 6. Ah. Bon, celui-là, c'est Pornhub, mais juste il m'a fait rien. Ah, c'est Pornhub. Ouais, celui-là, c'est Pornhub, il m'a fait rien. J'ai le mot pornographie dessus, donc. Ah, ok. Avez-vous déjà veillé la nuit en pensant à vos mauvaises décisions, à la façon dont votre vie aurait pu être tellement meilleure, mais au lieu de cela, vous êtes plutôt déprimé et extrêmement solitaire, vous avez recours à la pornographie pour vous aider à calmer vos pensées. Oh, mais incel, un mec, il est en dépression. C'est Jim Carrey qui a écrit le commentaire. Le gars écrit ça en pleurant, genre. Alors, bagne d'où donc une bonne chope de cerboise à moi et à mon compagnon, voilà 15 jours et 15 nuits, qu'il guerroie et son cœur de lion est fort, donc qu'elle soit faite de tout nectar. Que dispensera ta personne, Lucas, t'as regardé mon écran. Pornhub. Ah non, je peux regarder. Attends, mais ça parle pas du film. Pornhub aussi. Que ce soit pornographie ou pas. C'est un commentaire, je trouve. Pornhub. Pornhub aussi, alors. Ouais. Pornhub. Allociné. Non, Pornhub. Pornhub. Pornhub. Allociné, malheureusement. C'est trop fort. Mais quel rapport. Réplique du film. Quel rapport. Ah, ok, ok. Putain, c'est quel chien de la casse, en clair. C'est survolté. Disjoncté. Disjoncté, putain. C'est bien, ouais. Choisis son film, surtout. Ah, survolté comme Clo-Clo. Oh là là. Il y a pas lui. Il regarde pas lui qui nous attend. Putain, Julien, t'en as vu combien? 127. Bah, 3. Ça va être après. C'est ta troisième? Non, quatrième. Putain, comme moi. Tu... En fait, tout ce qu'il y a sur le meuble derrière, ça a explosé. Il me reste deux. Ouais. Un meilleur crossover que celui de Marvel. Oh là là. Ah, c'est Pornhub. Dur. Ah, il y a Jack. Non, je sais pas. Pornhub. Black. Ah, Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Kylian. Pornhub. Ah, attends, c'est. Ouais, Pornhub. C'est Pornhub. Et ouais, yes. Et attends, vas-y, c'est quoi la vidéo? J'ai envie de savoir du coup. Ouais, bon, là, il a pas. Ah, tu pas. T'es vraiment allé sur des vidéos. T'as pas tapé sur internet des trucs rigolos. T'es vraiment allé sur des vidéos et t'as regardé les commentaires. Je suis allé sur. Non, mais Julien, c'est un journaliste. Hein. J'ai cliqué et j'ai pris des screens quand même. Tu t'es tapé combien de queues pendant cette recherche? Bah aucune. Là t'as regardé. Putain, le bah ouais, je sais, mais je pensais regarder. Bah, éliminé pour la prochaine. Je peux pas la prochaine. La dernière, c'est. J'adore. Je suis fan. Bon bah c'est clairement. Bon, Allociné. C'est Allociné, ouais, c'est clairement. Allociné. Allez, Allociné. Allociné. C'était Pornhub. Oh putain. Qui c'est qui est fort ici là? Personne? On s'est trompé? Ouais. On est des gros. Ouais, vous êtes. Non, mais attends, mais qui met ça en fait? Je suis fan. Bah Trickster 44. Bon, on passe au jeu des répliques. Ah oui. Cool. Qui sont les snorkies? Qui mais qui sont les snorkies? C'est super gentil. Si je pouvais vous en faire un croquis, vous seriez. Alors, oui. Moi je l'ai fait un peu différemment. Je dis une réplique et vous dites s'il est dans le film ou pas dans le film. Ok. Quoi? Pour le jeu là, faut savoir qui c'est qui a gagné. Hein. Moi j'ai 8 points. Ah oui, qui a gagné? J'ai 8 points. Moi j'ai basiquement 2 points. Moi j'ai 8 points aussi. Moi j'en ai 7. Ah, 8 points. Quand bah je suis fourmi, mec. T'as pas fait fou. Je te jure que oui. Bah rien à, gagner parce qu'il fallait avoir le moins de points. Ah, c'est vrai? Oh, ouais. C'est le pire mytho? Ouais. Ah, c'était chiant, je suis fourmi. Bon, Ryan. Et celui qui a gagné, il a gagné quoi? Choisis mon film. Ciseau, pierre. Baisse ta mère maintenant! Antoine donc a gagné avec un pierre. Antoine, faut gagner. 1 point à 0. Alors vas-y, je vous dis, vous me dites si c'est dans le truc. Ok. Tu comptais sur la famille Cosby pour s'occuper de moi. C'est ouais, dedans. C'est dans le film. Bill Cosby, gros violeur. Hein, oui. On en est quoi. Ouais, dans le film. Autant qu'on perd. Hein. Oui, autant. Disjoncté. Disjoncté. Ouais. Non, pas disjoncté. Ouais, disjoncté. Kylian. Non, moi j'ai dit dans le film aussi. C'est dans le film. Ah, sérieux. Ça m'a fait beaucoup rire. Toi, t'es mauvais. Hein. Ouais, je fais. Et vraiment, j'irai pas loin. Ensuite, on a. Honnêtement, Anouda, c'est pas mal. Le film, c'est pas mal. Ouais, t'as vraiment fait, je prenais plus qu'au hasard et je l'aimais quoi. C'est dans le film ou dans le film? Non. Le quoi. Non, c'est pas dans le film. Attention, il y a peut-être un film. Regardez pas, vu que j'y suis dans le film. Non, c'est pas dans le film. Dans le film? La présomption sociale. Bah, c'est pas dans le film en effet. Oh. Alors, est-ce que Hanouna est dans le film? Viens par là que je t'emboutisse la cervelle. Dans le film. Pas dans le film. Dans le film. Non, ça sent les grosses VO. C'est dans le film. Ouais, voilà. Je vais t'enculer, je vais te briser les os, je vais boire ton sang. Non, pas dans le film. Oh bah bravo, alors là, tu l'as vu. Mais ça sort d'où? Sherlock. Ça sort d'où? C'est Caris. Est-ce que tu veux rajouter C'est Caris en plein de J'ai pas la ref. C'est Caris. Ok. Oh là là, il est totalement disjoncté ce type. C'est dans le film, je te jure, ça, y a moyen que c'est dans le film. C'est pas dans le film. C'est pas dans le film. Putain mec, je vais perdre. C'est dans le film? Ouais, c'est dans le film. Non. C'est dans le film. Jack Black dit ça. C'est la seule réplique d'ailleurs. Oh, il est disjoncté ce gars. Hey, le rock, disjoncté. Ensuite on a ma biche. Est-ce qu'il y a ou pas? Votre avis, il y a ou pas? Est-ce qu'il y a Louis de Funès dans le film? C'est possible, il était vivant encore. Ouais, non. Non, il doit pas. Y'a pas? Non, y'a pas. Ma biche. Ah, mauvais genre. C'est pas dans le film. Alors? Ah, ça en fait pas dans le film. Bien! C'est encore une imitation de Louis Tunez, j'adore. Mm-hmm. Si vous voulez faire parler d'un sujet politique, il faut mettre Cyril Hanouna dedans. J'adore Hanouna. Mais dédicace au ministère. Non, mais surtout dédicace à C8 en fait. Là, c'est Marine Chapa, j'avoue, c'est Marine Chapa, je vous pose pas la question. Voilà, c'est fini. Bah attends, les mentions honorables des films honorable. De Jim Carrey. Chacun le masque. Oh non, j'ai dit le mauvais. Oh non. C'est évidemment Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah, x12. De Michel Gondry, le meilleur film. X12. Ton film préféré? Je pense. Ouais. Lucas, de tous les films de Jim Carrey. Ou que Jim Carrey. Au moins de Jim Carrey. Et ex-aequo avec Trainspotting. Ok. Ah, t'aimes bien? J'adore Trainspotting. Ouais, ça j'aime bien. Non mais moi c'est Lucas, c'est non mais Eternal Sunshine. Ton film ok aussi. Non mais vraiment que celle-là avant mon son. Bah de Jim Carrey. Il y a The Mask, il y a The Mask. Bah moi je suis pas trop fan du masque. Putain, ah, The Mask le premier je kiffe. Hein. C'est pour ça que j'ai du mal Eternal Sunshine, moi je trouve que c'est génial. Bah le 2 il y a plus Jim Carrey donc ça pue la merde. Oui, non mais oui, mais après en tant que film. Et le 3 est pire encore. Il y a un 3. C'était le fils du masque, non le Ouais, le fils du masque. Ah ok, oui, c'est bon, j'ai vu. Horrible, hein. Bah, le chien, hein. Ouais, celui avec Loki, là. C'est celui-là. Bah, mec, Bah, il monte. Pourtant, il est culte, hein. Non, mais ouais, non. Ah, après, il est culte. Sur quelle planète Il est culte sur une Terre, mec. On soit vulnérable à Truman Show. Ah, ouais, Show, c'est vrai. Truman Show. Ouais. Kick-Ass 2. Oh là là. Tu as vu Man on the Moon ou pas? J'adore. Bah, mention honorable pour Man on the Moon. Et le documentaire qui est fait après, Jimendi. Ok. On apprend qu'il d'ailleurs, t'as regardé la série avec aussi, 3 ans. Non, alors attendez, moi j'ai pas vu encore Jimendi, faut pas me dire parce que vraiment je t'avais dit, c'est pour retour de Gondry. J'ai pas vu qu'il dit. En vrai, mention normale, on peut quand même dire, enfin, le Truman Show, même si c'était cité, c'est l'un qui est genre le plus original comme film. Et qui a pas été refaire bien. Mais t'as un Sunshine aussi. Ouais, c'est incroyable. Aussi, mais ça a déjà été cité. Man on the Moon aussi. Ah, mais c'est vraiment. Et j'ai pas vu. Ça reprend la vie de Marc Dumas, c'est pas un petit peu fou. Après, bon, peut-être pour les Ventura, son premier film. Ouh là là. Son premier film, au moins pour son premier film qu'il a fait connaître, tu vois. Ouais, succès. T'en avais pas dit que c'était Domaine de Mer. Non, c'est sorti le masque et Ventura, The Mask et Domaine de Mer la même année. Ouais. Et Ventura est sorti avant ? Même année, 94. Mais dans la liste Wikipédia, il est avant. Il est avant, ouais. En termes de date, à mon avis. Ouais, parce que Wikipédia reprend la sortie française de la sortie américaine. Il sera donc jamais. Est-ce qu'on s'en bat les couilles? Je vais mettre pas ça. C'est bon de choisir qui c'est le meilleur. Ouais, je suis assez concerté avec le meilleur. Attends, mais tu vois, écran en PLS. Vas-y, fais ça, vas-y aussi. Mais voilà, c'est. Baiser vos mères, les voisins. Tu te concertes avec toi-même. Et tu réfléchis. Réfléchis bien, vraiment, genre pas par rapport à. Il faut que tu décides un gagnant. Taisez-vous! Tu veux que je mette quelle musique au montage pour la délibération? J'avais exactement la même, putain! Faut désigner un gagnant et un perdant aussi. Et un perdant? Oh, c'est un chien, enculé! Ah, yes! T'as mis l'intro! Oh, il va faire l'intro! Mais en vrai, c'est. Oh, l'intro cringe. C'est pas du jeu parce que genre il a vraiment été genre détruit par tout le monde, tu vois. Genre. Bah ouais, mais c'est le but. Toi, c'est là, vous avez niqué mes interventions. C'est le but. Non. Mais si, trash talk, c'est le but. Mais le but de trash talk, c'est de me laisser parler d'abord. Bah non, le but c'est ça, c'est pas grave. Ah, t'as perdu, t'as perdu. Tant pis. Celui qui me donne le plus envie, c'est celui de Lucas. Ah bah putain. Peggy Sue s'est marié. Ah bon, non, mais faut que je choisisse le thème d'après. Celui qui me donne le moins envie, c'est Menteur. Quel immonde des veines! Il s'arrête sur l'avant-dernière! Attends, mais on recommence. Bon, Lucas, t'as gagné. J'ai gagné. Lucas, yes. T'as gagné, bravo. Je vais choisir, du coup. Alors, du coup, tu vas choisir trois trucs et on va dessiner encore par la roue magique. Soit un réal, soit un thème, soit une année de sortie. C'est exactement ça. Ok, ben Xavier Dolan. Ok. Et le thème, le film Père et Fils. Ok. Et l'année de sortie, on va prendre un truc récent, je dirais 2016. Ok. Okay. Ouais, c'est peut-être pas mal parce que là on a pris des films vieux, tu vois. Père et fils, ça marche aussi. Est-ce que c'est père et fils, mère et fille? On est inclusif. Parents, enfants. C'est Xavier Dolan. Yes. C'est trop cool. Tu présenteras la prochaine émission en québécois, voilà. Oui, c'est ça. C'est Xavier Dolan. C'est Xavier Dolan. Oh, c'est Clé de Xavier. Moi, j'ai perdu, je fais l'intro, d'accord. Ah, mais tu fais l'intro en québécois, gros. Mec, je sais pas, j'ai aucun accent, mec. Ah, mais ce sera plus drôle, ce sera cool. T'as bien fait de choisir Menteur. Bêché de choisir Ryan comme invité. Et du coup, l'invité prochain, je pense que ça sera Antoine. Hein. Du coup. Et non, mais silence, parce que je buvais une bière. Oui, c'est ça. T'es content? T'es content d'être invité deux fois? Ah, trop bien. Et le tournage sera chez Ryan, du coup. Ça, c'est bien, en fait, vraiment, on sera les mêmes, genre. Mais ouais, moi, je crois que je vais être invité à chaque fois parce que je vais être juste en plus, oui. Mais tu veux pas préparer un film, du coup? Ouais, vas-y, pas genre prépare un film, tu fais comme nous, non? Ouais, fais pareil. Deviens podcaster, mec. Bah, de Xavier Dolan, s'ils ont tourné, c'est Xavier Dolan. Oui, parce que évidemment. Parce que évidemment, Ryan nous passe le micro. Fais le montage. Enfin, fais comme tu veux, mais genre. Absolument pas crédité. Non mais si tu veux, vu que. Et nous on met le caca dans la vu qu'il sera là. Non mais vu qu'il sera là à la prochaine émission, c'est peut-être mieux qu'il. Il va être là à toutes les émissions, c'est son micro. Bah tu fais comme tu veux, tu fais comme tu veux. Bah je prépare. Ou au pire, attends. Ou au pire, attention, attends. Musique de. Okay. Des est-ce que tu vas t'intégrer ce podcast? Est-ce que je veux quoi? Être intégré à ce podcast? Bah si vous voulez, ouais. J'ai une idée, au pire, t'es l'homme joker. On doit te dire, nous, nos films, tu le sais, et tu peux interagir avec nous. Ouais. Mais alors personne ne le sait, c'est pas mal, non? Comme ça, on a de l'aide. Il va pas se passer trois films, mais non, mais la plupart du temps. Ah, mais Xavier Dolan, je pense que tu les connais, non? Bah ouais, je les connais tous. Bah voilà. Du coup, il les connaît tous. Bon, bah c'est bon, c'est l'homme joker. On lui dit, tu vois, genre, et après, il se renseigne ou quoi, tu vois, il nous aide. Il nous aide. Du coup, t'as gagné avec ton film de merde. Peggy Sue s'est marié. Bah, du coup, on va faire le cast français. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Non, et on ferait le titre français. Le titre français, du coup, en changeant le Peggy par un prénom français, quoi. Claudette s'est mariée, quoi. Ouais, non, mais. Pierrette, je sais pas quoi, non. Pas tout, parce que Peggy, c'est déjà un. Diminutif Patou. Peggy, mais Patou c'est Patrick. Patou ouais. C'est Patrick. Patricia, c'est le Patou de campagne, genre. Patou, c'est bien. Et le Patou de campagne. Oh là. T'as vraiment cherché une approbation, quoi. Elle fait bien ma blague ou pas? Allez, Patricia s'est mariée. Donc, déjà, Coppola, c'est quoi l'équivalent de Coppola en France? L'équivalent, la coupole, les plats chauds. Mais absolument, mais non. Pour moi, c'est celui qui a fait Tariq Boudali. Buffet froid, là, j'ai oublié son nom. Vas-y, trouve, celui qui fait beaucoup de films avec Depardieu. Mais oui, Bertrand Blier. Bertrand Blier, il a dit qu'il fout le pompe Coppola. Ouais, bah alors Bertrand Blier. Alors, c'est avec qui, Peggy Sue? C'est avec Kathleen Turner. Pour moi, c'est Josette Boscombe. Ok. Nicolas Cage. Mec, je t'ai dit, j'avais plus grand effet. Nicolas Cage. Question clavier. Non, pas du tout. Ah, faut trouver un gars qui sait faire des films aussi géniaux que c'est de la grosse merde. Nicolas Cage, c'est ça. C'est aussi génial que ça peut être horrible, quoi. Genre, la carrière et qui prend de la coke un peu. Junio. Hein? Junio. Junio, il a fait des films bien. Ouais, mais il a filmé des films bien, mais il a fait aussi de la merde. Il a M15 en plus. Non, mais comment il s'appelle le mec qui fait le boulet là? Poulvord. Ouais, Poulvord. Oh, Poulvord. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais Poulvord, il est pas à moitié belge aussi, genre. Ouais, mais c'est pareil. Non, mais caste francophone. Franco-belge, franco-belge, c'est bon. Franco-belge, c'est comme ça les Suisses. Avec la commission, il va falloir refaire un truc, genre, ouais, franco. Attention, accent suisse. On n'est pas d'accord. Oh, le Pénon Nantes. Allez, Diablo X9. Le chocolat. Oh, les horloges. Par contre, on exclut les Belges. Non, mais caste francophone. Le roi aux Suisses, sachant qu'il y a aucun. Ouais, du coup, ouais, on pense au pouvoir. Ouais, et Jim Carrey, c'est. Et Jim Carrey, le mec lourd, un peu copain lourd. Le pire sous gros français. Le petit copain lourd. Non, Tariq Boudali. Philippe Lachaud. Tariq Boudali, non, en second rôle, Tariq, le petit arabe avec eux. Ouais, génial. Oh, génial. Oh, retirez la phrase, le petit arabe avec eux. Il reste celui-là. Ah, Tariq Boudali. Mais en plus, c'est même pas Jim Carrey. Mais ouais, mais qui dans c'est qui le dernier toujours. Il fait toujours le second qui fait le dinosaure, je sais pas quoi là. Il fait toujours les trucs de con, les gars. En vrai, de Funès. C'est un peu le non, c'est un peu le Jim Carrey. Mais non, il y a un talent du dame de Funès qui a pas. Celui que t'as dit au début là, putain, j'ai plus son. Pour de Funès au-dessus. Celui que t'as dit là, il a toujours des mimiques, il essaie de. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui. Christian Clavier. Mais non, c'est pas Christian Clavier, c'était l'autre là. Si, mais Christian Clavier en. Non, mais c'est pas énorme. Le mec a toujours les second rôles de merde à faire des mimiques à la sauf con. Sauf que c'est pas un ouf. Non. Alain Chabat. Le mec qui a un frère. Alors j'ai dit Chabat quand même. Shalom. Shalom. Surtout que j'allais dire le mec qui a un frère juif qui a pas de talent. Ariel Mallet. Non, mais non. Ça c'est méchant. Non, l'autre. Pour moi, il y en a un qui a un frère juif qui a pas de talent, c'est Gad Elmaleh. Il y en a un qui est né en Israël et l'autre qui est né en Palestine. Kéron. Non. Il y en a un qui a fait un film génial et l'autre qui a pas fait de film génial. Mais dis. Mais c'est une devinette ou quoi là? Il y en a qui a fait. Putain, tu t'en souviens plus ou tu sais? Non, j'ai des trous de mémoire. Ah oui, ça, je suis fatigué. Mais en plus, il voit vraiment qui c'est. Il a son nom là, il fait. Non, j'arrive pas à lire. J'ai le louche. Oh putain, oui. Ah, ok. J'ai le louche en mec gros lourd. Bah finalement Kairon, j'ai le louche, ça se rejoint. Ah, lourd, non mais dans les affaires. Ça se rejoint. Ici on est au cœur de l'actualité. On est dans l'actu. Hein. De y a un mois et demi. Les Twitterers viennent de s'effondrer, on se rappelle. Coco le corps, c'est pas vrai. Ouais, la Coupe du Monde. Oh d'ailleurs, hier il y avait. Oh les Français ont fait la grève pendant la Coupe du Monde. Ah putain, les bâtards. Mec, il y avait le Marrakech du Rire et Jamel Debbouze, il a sucé la bite à Gadel. Pour de vrai, pour de vrai. Non, il a pépon là comme ça. Il a branlé avec ses petits. T'as regardé avec sa main de ça, je coupe. C'est le mec qui m'a mettre. Après, tu m'as fait, ouais, c'est désagréable quand même, pourquoi tu la caches? T'as un problème pour handicapé? Finalement, il a tout le temps sa main dans la poche, c'est peut-être lui qui connaît le mieux les phrases de bord là-bas. Finalement. Donc, pour le résumé du cast français, Kathleen Turner en Peggy Sue. Ah, c'est quand même Josiane Balasco. Après, merci. La question c'est est-ce que Peggy Sue bien ou est-ce qu'elle met plutôt les dents? Alors, je laisse ça ou non? Bah non. Non. Parce que j'en suis sûr qu'il y a genre 2 heures qui vont partir hein, sur les 2h18. Là. Non, t'inquiète. Nicolas Cage. Il y a bien 1 heure, je pense. Nicolas Cage, on a dit Poulvord. On a dit Poulvord. Ouais. Ce serait quand même. Non, c'était Jim Carrey. On a dit l'autre. C'était Jim Carrey. Non, mais si, Nicolas Cage, Poulvord. Nicolas Cage, ouais. Poulvord. Si, ah oui, c'est vrai. Jim Carrey, Gilles Lelouch. Il est un peu, il est un peu timide dans ce film, Nicolas Cage. Hein. Mais bon, Poulvord, c'est bien aussi. Ouais. Et Jim Carrey. Jim Carrey, on a dit Gilles Lelouch. Et le Real Coppola. Du coup, Bertrand Blier. On a dit Bertrand Blier parce qu'il est Tremblier. Voilà, bah nickel. Bah franchement, ça fait un putain bon remake. Hein, distribué par Gaumont Pâté, je pense. Et pas mieux que l'original, pas mieux que l'original. Dédicace au pâté liberté. Un peu moins bien que l'original. Attends, je pense qu'il serait mieux que l'original. Hein. Alors, je te promets que non, parce que je te dis, l'original est pas ouf. Une petite pépite du cinéma, je te le dis, voilà. Mais du coup, en résumé, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Xavier Dolan. Xavier Dolan, en invité, on a Antoine.

ma mère, mes sœurs et mes filles. Y'a quelques j'ai pas envie de blesser. Bisous. Ça vient du cœur et des tripes, mais j'ai toujours la bite dressée. Je bande toujours. Regarde les heures, elles défilent. J'ai plus le temps, je suis pressé. Vite. Je veux me barrer d'ici, toute la journée je suis pété. Je suis ténébreux et infâme, j'ai plus le temps d'être courtois. Pute. Maman, tu es la seule femme qui a toujours été là pour moi. Exact. Je suis ténébreux et infâme, j'ai plus le temps d'être courtois. Pute. Maman, tu es la seule femme qui a toujours été là pour moi. C'est bon, ben je commence à enregistrer. Oh, c'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Bah normalement, ouais. Yes. J'appuie au moment où je m'as dit enregistre, donc normalement. C'est notre générique. Bon, on a la genre, guitare, hein. On peut avoir 15 heures de rush là. 15 heures, ouais. Remix, on va savoir, on est large. Allez, on est large, hein. J'espère que sa pétasse occasionnelle, Molly, n'en fait pas partie. Ah oui, ouais, c'est t'as pas lu Grey ou ça quoi. Mais ça baise au bout d'After ou pas? Bah oui, normalement, mais là j'arrive pas. Et on n'a pas un 50 nuances? Si. Mais ah bah voilà, chercher sur internet, ça baisse plus. Ah non, pardon, non. Non, t'as pas 50 nuances, sinon j'aurais pris. Je suis pas un si gros beauf que ça, quoi. Ou tu lis directement, tu sais, le truc là, de la vision de Grey. Je suis en cherchant. T'as encore... fait, au niveau des répliques, t'as pris quoi? T'as pris 3 répliques au hasard et t'as fait... bah, j'en ai inventé. Ouais, voilà, mais t'as fait qu'une seule fois. Qu'une seule fois sur 3 répliques. Ouais, mais c'est... Ah oui, moi j'avais oublié les règles du jeu, donc quand j'étais à 3h du matin, j'en ai fait plein. Puis on verra comment le trier. Pas de culotte. Il sourit d'un air narquois. Passage. Non, parce que je sais pas trop comment le régler du coup. Alors. Mais comment ça, comment le régler? Non, non, c'est parce qu'en fait, quand vous rigolez, ou... ça monte jusqu'à genre. Genre, comme il rigole super fort, ça monte jusqu'à genre ici, tu vois. T'as de rigoler, fils de pute. Ça, c'est un sourire pourtant. Ah, non, mais voilà, laisse-le, je mixerai, je montrerai le son. Et tiens, au pire, tu vas lire cette page web juste comme t'en es marre. C'est quoi? Il va dire vraiment https :// Je te représente comment? Non, c'est je te présente, voilà, ça commence pas. Attends, mais pas maintenant, enfin, petite surprise. Petite d'accord, surprise. Ok. Ouais, parce que là, c'est les passages où vous auriez dit il me défonce la culotte, tu vois quoi. Putain, parce qu'Antoine, ton gros, il est parfait hein, dans le truc, hein. Il a le pile le bon truc propre. Ouais, merde, attends, un mouchoir en quoi? Tu as branlé? Non, je suis le cul après. Bah ramène-toi. Il y a moyen de voir le silence pour voir que le bruit de fond quoi. Bah voir le silence c'est compliqué. Non. Science des oignons on l'a pas en DVD. Je suis un geek, hein. Je suis un geek de film. Putain qu'est-ce qu'il a. Toujours un fils de pute. Non c'est bon ça passe. Super il y a pas eu de silence. On va le laisser à 3. Voilà. Tu peux voir quand ça parle un peu. Ben là, quand ça parle, ça monte jusqu'à 18. Et vraiment, quand t'as les gens qui parlent super fort, ça monte jusqu'à 15. Ouais, je pense que le mec, il a vu la patronne, tiens, il fait chaud, tu vois. Mais c'est bon, la patronne avec nous, il fait. Ah, vous voulez pas vous mettre en maillot? Et le mec, il fait. Et non, après, elle va trop avoir envie de mon corps. Et le mec a dit ça à la patronne, tu vois. Quand le boss de Paname, gros. Alors qu'en plus, le chef d'équipe, c'était son fils et tout, là, vraiment. Le chef, son chef, c'était son fils? Non, le chef, c'était le fils de la meuf. Oh, et lui, il a dit, mais c'est ta mère, vraiment. Alors que la meuf, c'est garde la page, on tourne le chat. Fais gaffe à. C'est ça, mal tourné. Ouais, par contre, ouais. Non, mais fais le dessin, en fait. Genre, vraiment, mets-lui un gros chat. Absolument pas. Non, sois gentil. Comme Croblant, tu lui as des cailloux. Quoi? Comme Croblant? Croblant. Tu connais Croblant? Ah, si, Croblant. Je connais Diaclundon, mec. Je connais Erwan. Il a lu avant de venir. Il va le dire 100 fois. En fait, j'ai plus le problème que vu mon film. Dumber. En vrai, c'est vraiment ça, il y a pas des bras grands. C'est vraiment ça. Il y a que ça qui est la meilleure blague. Non, c'est pas Dumber. Mais attends, mais retrouver la liste des films Wikipédia Jim Carrey, on trouvera jamais. Non, mais arrêtez. Non, arrête de regarder ça, tu vas être assez trop simple. Oui, mais voilà, regarde pas. Et toi, il y a deux films, bordel! Bon, allez, il y en a un, c'est la mort, et l'autre, c'est pas la mort. Quand même. Ça va, les gars? Juste au niveau des répliques, la fin, là, tu sais, quand on mélange. Oh les là là, c'est bon, sans branle. Et ça, on va l'improviser. Ok, allez, c'est parti! Je vais te laisser voir quoi, et je vais te voilà, et vite. On se fait la bise d'abord. J'arrête avec le son, sinon je vais stresser tout le monde. Ah, c'est bon, la bise. Ouais, c'est bon, jamais on se fait la bise. Allez, on se fait la bise. Bonjour, monsieur. Je fais pas la bise, tu me mets sur la bouche. Non, bah non. Et voilà. Merci. Moi, je laisse ta mère là-bas. Ouais, vas-y. Tu lances un trop? Ouais, allez. De frais. C'est drôle, attention. Hein. Rigolez pas trop. Putain, aurait dû inviter Thomas, ça fait. Ah putain, la saturation, gros. On ferme ta gueule. Oh, non, mais ouais, pas besoin de faire un milliard de silence. Ah ouais, virement ça, ouais. C'est pas mon sac, si j'ai pas mes clés, moi. Tu vas les perdre. Je les perdrai toujours. Je vais les perdre, Simon. Elles sont trop près, là. On est à l'écoute. Hein. La première vanne me fait rire, je l'ai déjà. Le vrai, c'est que je prends une prise de risque. Hein. De la minute 1 du vous spoilez hein. Pas du coup. Le truc, c'est quoi tu vas tu fais l'imitation ou pas? Mais tu vas bafouiller cette fois. Ça fait 5 minutes depuis que Lucas a pété, hein, je tiens à dire. Lucas a pété non, j'ai jamais remarqué ça. Ouais, c'est générique, hein, n'oublie pas. Je commence le rush avec un pic comme ça. Qu'est-ce que ça peut être? Non, mais ça peut être la prise jack. C'est le. Putain, j'avoue, c'est notre clap. On va péter à chaque fois, c'est un truc différent. Ouais, vas-y.